Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces, douces, douces. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus, je suis Mikado Twix et aujourd'hui, pour ce numéro, j'ai le plaisir, non pas de recevoir, mais de m'incruster, dans la cuisine d'ailleurs, de mon camarade Rhône. Bonsoir Rhône, comment vas-tu ? Ça va pas mal, je suis le hôte de cette émission puisqu'on est dans ma cuisine. Ouais, mais j'ai ramené les pizzas. C'était peut-être pas la meilleure idée que tu aies eue. Oui, bon, c'est vrai que ton four était en panne, mais ça se tente des pizzas au micro-ondes, donc on a testé pour vous, on testera plus. C'est moelleux. C'est moelleux. Voilà, moelleux. Voilà. Alors, mon cher ami, IRL oblige, on s'est dit, tiens, c'était le moment, c'est pas comme si on n'habitait pas l'un à côté de chez l'autre. Et aujourd'hui, rappelle-toi, dans toutes les IRL qu'on a pu faire ensemble, petit clin d'œil aux copains de VHS et Canapé, bien évidemment, et ben rappelle-toi, quand on s'appelait encore 80s, le podcast, là, j'avais à cœur de vous recevoir pour vous me parler de vos années 80. Et aujourd'hui, Ron et moi, on s'est dit, tiens, nouvelle ligne éditoriale oblige, pourquoi pas garder un peu le même schéma, mais cette fois-ci de parler de ce qui nous a plu dans les années 90. Ouais, d'autant plus que dans les années 80, on était quand même très très jeunes. Donc est-ce qu'on va parler de dessins animés, très cher ? Vite fait. Un peu moins quand même, il faut être honnête. Hein. On sent que les Razmoquettes, tout ça, on est peut-être passé à côté. Quoi. Ouais. Alors, je te lance tout de suite. Donc, on attaque notre première partie, à savoir les publicités cultes. Et qu'est-ce que tu as à nous proposer, Rhône ? Alors oui, j'ai dû pas mal réfléchir quand on a commencé à préparer cette émission il y a déjà quelques mois. C'est même pas vrai. Ah non, hier, pardon. Ce matin. Hélas, monsieur Mikado Twix a été plus rapide que moi pour dégainer. Donc, ce salopard a juste pris, évidemment, ce que j'aurais pris, ce qui m'a obligé à me rabattre sur un deuxième choix. Alors, il s'avère que déjà dans les années 90, je commençais à moins regarder la télé. Ça démarrait sur la pente descendante. C'est là où je me suis aperçu, blague à part, en préparant le programme, qu'il y a plein de trucs auxquels je suis passé à côté, parce que, ou bien ou pas bien, hein, mais c'est juste que à l'époque, c'était des trucs que je ne suivais plus. La télé, les dessins animés, les séries aussi. Je suis passé beaucoup à travers de très belles choses. Mais les publicités, quand même, il y a des choses qui... Ouais, je marchais beaucoup au magnétoscope, déjà, dans les années 90. Voilà, donc tu passais les pubs. Mais oui, on les passe. Oui. Alors, j'en ai quand même gardé une, parce qu'il n'y a rien à faire, elle m'a toujours fait rire, c'est la publicité pour Lactel. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? Papa, comment on fait les bébés ? Eh bien... C'est tout nouveau, c'est une bouteille de lait longue conservation, UHT, elle conserve au lait tout son bon goût, et en plus, elle se revisse. L'essentiel est dans Lactel. On est en quelle année, Rhône ? Alors, on est en 1990, et donc c'est bon, les 90s. Ouais. Au pire, on s'en fout maintenant. On s'appelle décenniste pour dire ce qu'on veut maintenant. Ouais, mais enfin, t'as appelé ça les années 90, moi je me suis emmerdé à me borner. Hein. Bon, tu te doutes bien que j'ai peut-être un peu grugé, comme d'habitude. Mais tu te doutes bien que je te le ferai remarquer. Et j'ai pris cette publicité parce que finalement, je m'en rappelais. Je m'en rappelais vachement bien. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait ? J'adore comment le gamin le dit. C'est quoi cette bouteille de lait ? Normalement, il lui fait un recto verso au gamin, non ? Et ça a été un truc qui a quand même été pas mal une vanne de cours de récré. Enfin, on n'est plus trop en récré pour les plus âgés d'entre nous. Hein. Moi, 90, oui, moi aussi, peut-être. Non, j'avais 14 ans. Toi, tu avais 38 ans déjà, non ? Ouais, c'est ça. Disons que moi, j'étais plus intéressé par les filles que par la pub en 1990. C'est une pub aussi qui m'est restée parce que quand on a des enfants, tu arrives forcément à ces situations et c'est impossible de pas y penser quand il y a un gamin qui dit « Papa, papa, mais qu'est-ce que c'est ça ?» et que tu n'as vraiment pas envie de répondre. Et quelque part, tu te dis, t'attends le moment où le gamin va te dire « Comment on fait les bébés ?» et il va bien sûr te coincer. Donc, je trouvais ça astucieux. C'est plutôt rigolo. Lactel, c'est un peu un produit dont on n'a rien à foutre. On se rappelle quand même beaucoup plus de leur publicité que de la marque. Et on se rappelle peut-être qu'on se l'écoute et on en discute. « Papa, comment on fait les bébés ?» Papa, comment on fait les bébés ? Papa, comment on fait les bébés, eux? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Et voilà comment on fait les enfants. C'est pas compliqué. C'est fou de demander. Et demain, Lacten vous montrera comment on fait la diarrhée avec Lacten Cacao. Là, clairement, on est dans la parodie, elle surpasse l'original. Clairement, ça c'est prendre ça, c'est ma bite, ça c'est ta mère. Comme quoi, nos auditeurs sont des gens de qualité, ils ont l'image. Hein. Clairement, ils ont l'image en tête. Hein. Et je pense que c'est aussi une leçon à retenir pour tous les parents du monde. Il faut dire la vérité aux enfants. Et honnêtement, je l'avais dans ma shortlist, mais celle que j'ai retenue. Salaud. Bah évidemment, bah voilà, bah on va l'écouter, celle que t'as retenue. Hé, hey, c'est quoi le texte? Ah. Même joueur joue encore. Il faut bien secouer. Orangina. Sinon la pulpe, elle reste en bas. C'est quoi le texte? Ah, évidemment, j'ai retenu, je le dis, je dégaine tout de suite, les cultissimes pubs Orangina par Monsieur Alain Chabat qui s'essaya à la réalisation pour le coup. On est en 1993, Orangina cherche à rajeunir l'image de son produit phare et toucher donc les 13-18 ans. Honnêtement, ça fonctionne. Ça a marché. Ça a marché à mort, quoi. Alors, pour ce faire, elle a besoin d'un ton décalé et humoristique et d'une mascotte qui marquera les esprits, à savoir le fameux homme-bouteille. Ouais. Le cultissime homme-bouteille. Et en fait, c'est de là que naît cette saga de sketch. On a le flipper. Mm. Et celle que je préfère, c'est quoi le texte? Ah! Enfin, tu vois, il y a aussi les... Moi, ma préférée, c'est quand même l'Orangina rouge. Et oui, et donc, c'est une saga qui a évolué avec l'arrivée de la marque Orangina sanguine, qui est pas très bon, entre parenthèses, mais bon. Ouais, mais les pubs étaient cool. Et avec le mec, tu sais, qui doit jouer dans les films de jeunesse, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai mangé son nom. Tout à fait, une tête un peu particulière, on va et dire. Et qui avait une accroche qui était « Mais pourquoi est-il si méchant ?» Parce que et je suis content de t'avoir soufflé l'herbe sous les pieds, parce que pour moi, on est dans le culte. Ouais, bon, ça m'a un peu énervé quand même. On reste toujours dans l'univers de la télé. J'ai envie de te lancer les moments cultes. Qu'est-ce que t'as retenu qui t'a marqué, toi, le petit Rhône des années 90? Qui m'a marqué, moi. Je ne vois pas. Extrait. Petit et but, troisième et but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, deux buts de Zidane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Oh, putain. Oh là là là là là là. Oh, oh c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. On va laisser parler les images, Thierry, parce que je crois que... T'es fouteux, toi. Alors, je suis carrément fouteux. Vous m'énervez sur Décennies, à faire comme si ça n'existait pas. Vous m'énervez. C'est pas vrai. On a fait un truc sur le sport dans les 90s. Alors, genre du bout des doigts, du bout des lèvres. Quand vous avez fait le sport dans les 90s, il n'y a pas de foot. Alors, le scandale total. Donc, à un moment donné, franchement, vous exagérez. Bon, tu réhabilites un petit peu le foot dans les 90s, toi. Alors, carrément, parce que le meilleur moment de mon année 1998, bien sûr, c'est quand j'ai rencontré ma femme. Évidemment. Bien sûr. Hein. Et il qui s'avère... Qui n'est pas là, d'ailleurs. Bon, je ne sais pas où elle est. Et comme elle n'écoutera pas, en plus, je peux dire ce que je veux, parce que le deuxième meilleur moment, c'est bien sûr quand la France a gagné la Coupe du Monde. Mmh. Mais les deux ont une relation, parce que, figure-toi... Je l'ai rencontré sur les Champs-Élysées. Et non. La première fois que je suis allé chez elle, elle organisait une soirée pour France-Italie chez elle. Et j'y suis allé. Et comme je ne voulais pas non plus passer pour le gros fouteux, j'essayais de me retenir alors que j'étais comme un dingue en regardant, en regardant le match. Mais voilà, on n'était pas encore ensemble. Et ça a un peu démarré quand même avec la Coupe du Monde. C'est beau. Donc ça c'est plutôt cool. Et dans le moment de la finale, en fait, le passage à la télé de la finale, c'était un peu le pinacle d'une journée. Moi, cette journée, elle est gravée dans ma tête. Et t'étais où? Eh bien, alors, au départ, j'étais chez moi. à Montreuil. Le matin, j'étais tellement excité qu'à 5h du matin, j'étais debout. Je suis allé dehors. Il y avait de l'électricité dans l'air. Les gens que tu croisais quand tu marchais, tout le monde se regardait avec un petit air de connivence. T'as pas été sur les champs ? Je suis pas allé sur les champs. Moi, parce que je suis allé, monsieur. Ouais, mais bon, moi, je suis pas un footix, monsieur. Oui. Le foot, je regarde. Moi, je suis en deux mots, moi. Footix. Non, j'ai regardé ça ailleurs, dans un autre endroit qui était très cool, plutôt près de la Nation. Enfin, ça n'a pas parlé aux autres qu'aux Parisiens, finalement. C'était toute une ambiance, et surtout, quand c'est passé à la télé, il y avait tous ces moments qui sont devenus mythiques. La libération avec le but d'Emmanuel Petit quand il remonte tout le terrain. D'un point de vue purement foot, le Brésil s'est fait démonter, donc ça c'était plutôt cool. Et puis il y avait Thierry Roland et Larqué. Alors on pense qu'on veut des bonhommes, mais n'empêche que ils ont vécu le truc. Ils savaient mettre la patate. Et quand on a vu ça, on peut mourir tranquille. Tout à fait, Thierry. Le plus tard possible, mais quand même. Et c'est vrai qu'on était tous dans un état pas croyable. C'est un moment qui est resté marqué. Je vais rien dire d'original parce que. C'était aussi un moment de communion. Oui, oui, oui. Et le terme est bien choisi. Et de partage. Et au moment où vous écoutez cette émission, j'ai l'impression que la communion, le partage, c'est moyen-moyen, ce qui est dans l'air du temps, c'est, on va dire. C'est moins d'actu. Voilà, on a un petit peu passé sur une logique segmentation, ce genre de truc. C'est très sympa aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Mais pour les vieux cons comme moi, je préfère les moments comme de toi, communion et de partage. Ouais. Alors moi, pour la petite anecdote, parce que sache que je ne suis absolument pas foot, mais j'avais des copains footeux. Et évidemment, nous, à l'époque, on était en banlieue parisienne, dans le 93, voilà, comme toi, pas très loin de Montreuil, finalement, on était proches. Et on a été partis, comme beaucoup de gens, essayer de fêter ça sur les Champs-Élysées. Et je me souviens très, très bien de ce moment, parce qu'on s'était garé à peu près à 200 km des Champs-Élysées, donc plus loin que notre port d'attache, tu vois, que notre ligne de départ. Et le copain en question a eu la riche idée de faire une rage de dents en plein milieu des Champs-Élysées. Tu sais. Donc, ça a créé les souvenirs. Hein. C'est aussi bien aussi. Donc, oui, non, mais au-delà de ça, moi, je ne suis pas foot. Par contre, le côté communion, je te rejoins complet. Et je me souviens, tu sais, qu'ils avaient fait des sortes de faisceaux au-dessus tout de l'Arc de Triomphe. Ouais. Tu vois, Zidane, Merci, Bidule et tout. Et honnêtement, même là, quand je t'en parle, ça me laisse pas indifférent. Ouais, ouais. Alors, moi, j'avais le moment des années 90 qui est absolument insurpassable de toute façon. Ah. Alors le petit Mikado, qu'est-ce qu'il va nous trouver? Ah oui, mais toi, tu parles d'actualité. Moi, tu dis C'était à la télé. C'était à la télé, je ne veux pas le savoir. Allez, ça commence déjà à flipper. Ça commence pas à flipper parce que tu sais que j'aime bien chanter quand on échange. Et malheureusement, oui, je sais. Ouais. Et je te mets le truc et on chante derrière. Juvisy, et toi tu crèches à Neuilly. Notre rencontre c'était fatale, ça s'est passé dans les Halles. Depuis je veux te revoir, que je suis au désespoir. J'ai même plaqué toutes mes meufs, toi tu me fais un effet bœuf. Y'a pas plus gros que Monique, qui est caissière à plus unique. Plus moche que Maïté, qui travaille au PTT. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Je sais pas comment te dire ce que je peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui existent pas dans le dico. C'est toi que je t'aime vachement beaucoup. Voilà, c'est bon. On y est ou pas? La télé des inconnus. Les inconnus. Alors moi, avant de dégainer, j'ai une vraie question pour toi. Est-ce que tu es team les inconnus ou team les nuls, ou les deux? Team les nuls. Ah, je savais. Eh ouais. Et moi, je suis de la vieille école, c'est les inconnus, parce que... Déjà, je crache pas sur les inconnus. J'avais pas autant. Canal Plus à l'époque. Là, on est... L'escroc, c'était en clair. Par contre, les pubs des nuls aussi, je te cache pas que c'était dans ma shortlist. Hein. On est en 1990, je pensais que c'était un tout petit peu plus récent que ça. Fort de leur notoriété, les inconnus reviennent à la télévision et lancent donc la fameuse télé des inconnus. Sur la chaîne Antenne 2, pour les plus jeunes, c'était l'ancêtre de France Télévisions. Et tout est culte. Enfin, je veux dire, je vais juste te donner des mots-clés. Fuck you, tournée chanson, télé boutique achat. Ouais. Le père du crasse, Stade 2. Stade 2. T'as les images ou pas? Et puis les chansons. Je veux dire, là, je t'ai mis les Negra Bouche Bite. Il y avait aussi un truc qui était hallucinant. Surtout que elle avait même failli être interdite. C'était les Rap 2. Nous sommes URSSAF, Cancras et Carvalhas. Ça avait failli être interdit, ça ? Oui, parce que bah, ça gênait, voyez-vous, cher ami. Ah. Qui que tu sois, quoi que tu fasses. Et puis... Autant ne dit pas si, c'est pas du gâteau. Et puis surtout, elle est keuf, elle est meuf, dans le RER. Enfin, je me demande, je solliciterai... d'ailleurs, les chers auditeurs, je sollicite votre avis. Pensez-vous qu'il y a matière à faire un truc ? Parce que moi, je peux en parler des heures et des heures, mais est-ce que c'est pas finalement inintéressant d'entendre des gens en parler ? C'est sûr, quand tu bois des verres et que tu dékennes... un petit père du crasse. Gérard, il est tombé, tu sais, dans Stade 2. J'ai beau être matinal, mais j'ai oui, mal. Oui, ça, c'était Télématin, non ? Ouais, Télématin. Tout est culte. J'ai regardé quelques sketchs pour préparer le programme. Pourquoi veux-tu m'a tué ? Parce que c'est un méchant. Et puis la chanson de Bioman. Salut, bande de tarés, c'est super l'après-midi. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ? Voilà, donc toi, tu es team les nuls. Moi, j'aime beaucoup les nuls, mais dans mon cœur, ça reste les inconnus. Alors là, on va basculer donc sur la rubrique des dessins animés. Et comme d'habitude, je vais me lancer moi-même. Tu vois. Allez, vas-y, lance-toi. J'ai fait l'escroc parce que je me suis dit dessin animé. Et honnêtement, s'il y avait un truc à retenir, bah, c'est ce que tu as retenu. Mais c'est un truc que je n'ai pas vu à l'époque. Donc, je vais parler d'un dessin animé que j'ai vu à l'époque. Et bien évidemment, c'est un dessin animé tout en chanson. Vénage, dégagez le bazar et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamer la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole, Prince Ali, sa seigneurie, Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte à bout d'appui, à bout de bras. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Prince Ali. Prince Ali, oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Et bien évidemment, chers amis, vous le savez, si vous avez l'habitude de m'écouter, Aladdin, meilleur dessin animé au monde. Mais c'est... tu parles du film ? Avec Kevin Adams ? Non, le film Aladdin, le film Disney. Celui qui devrait être dans la rubrique Le Cinoche ? Non, parce que c'est un dessin animé très cher. Bon alors, Les Simpsons, 1987. Déjà, première question... Est-ce que tu aimes bien ce dessin animé avant que je développe ? Eh bien, pas plus que ça. Oh mince ! J'en avais déjà un peu marre de Disney à ce moment-là. Ah, moi je l'ai vu. Tu valides pas le génie ? Alors, j'aimais bien le génie. Mm. Ça fait peu sur un film entier. Alors, Aladdin... Qui avait le nez de Tom Cruise. Oui. 40e long métrage d'animation des studios Disney, donc sorti en 1992. Un dessin animé que j'ai vu deux fois au cinéma. Wow. Il s'inspire des contes des Mille et Une Nuits et de Aladdin ou la Lampe Merveilleuse, mais aussi du film Le Voleur de Bagdad, un film de 1940. Il a été réalisé dans la période nommée de le Second Âge d'Or Disney, débuté par la sortie de La Petite Sirène. Sirène que j'avais pas aimé du tout. Oh là là là, et c'était, on appelle ça l'âge d'or là, à partir de La Petite Sirène. Me défonce pas, Aladdin, vais. Et là, c'est l'âge de platine aujourd'hui. La datation d'Aladdin est le film à succès le plus important de l'année 1992. Le dessin animé. L'âge de charbon. Ouais. Donc, le film a été réalisé par John Musker et Ron Clements, qui venaient de finir d'écrire et de réaliser La Petite Sirène. Alors, pour moi, Aladdin, c'est tout simplement le meilleur Disney ever. Donc, critique interdite, même mieux, chez toi. Mieux que les Aristochats, par exemple. Pas moi, c'est là que j'aime pas tout ça. C'est un âge Disney que j'aimais pas. C'était l'âge de bronze, on appelle ça. Mieux que Hercule. C'est mieux que les 10 travaux d'Astérix. Non, pas déconner. Attends, Creeper, si tu nous écoutes. De mon point de vue, je trouve que rien n'est à jeter. J'avais tellement adoré. Donc, comme je te dis, je l'ai vu deux fois techniquement. Et je trouve qu'il est toujours graphiquement splendide. Avec une façon très intelligente de rajouter des éléments informatiques. Qui se voyait grave. Ah mais non, mais c'est interdit de dire c'était ça. C'était moche. Alors, quant à la grotte en tête de tigre, Rhône, oh là là. Qui apparaît lors de l'assemblage, tu sais, des deux pièces du scarabée d'or. Ouais, ouais. Bah, c'est culte. Enfin, moi, j'avais eu le Wahoo Effect et je l'ai toujours aujourd'hui. C'est vrai. Moi aussi, j'ai toujours aimé l'Amiga. Bref. Et ce que je trouve très bien, ce qui fait pour moi que c'est un excellent dessin animé, c'est que les personnages ont chacun une présence qui fait que tu t'en souviens. Regarde, on a des personnages en couleur. On a le génie, bien évidemment, qui est incarné par Robin Williams, qui est juste un Tex Avery version Disney, c'est vrai. Qui est ultra bien doublé, qui est doublé par Richard Darbois en français. Jafar, c'est pas un excellent méchant. C'est un méchant pour ménagère. Oh là là, t'es dur. Dans les Disney, dans les méchants de l'univers Disney, c'est mon préféré, Jafar. Tu te rappelles du doublage un peu de Jafar ? Très peu. Eh ben, t'as déjà vu la série Doctor House ? Oui. Eh ben, c'est le même comédien de doublage. Donc, t'es la voix un peu posée, un peu... t'es avec la barbichette et tout, enfin, comme toi, quoi. Ouais, d'accord. Et puis, les chansons, très chères. Je vais t'offrir un monde... Oh, mille et une splendeur. Ah, je fais ce que je veux, c'est moi qui ai ramené le matos et les pizzas dégueu. Ce rêve bleu. Ouais, c'est bien celle-là. Je n'y crois pas. J'attends que tu fasses les cœurs, en fait. Là. Mais je sais, je refuse. Ah. Et ouais, donc. J'en peux plus de ces chansons de Disney. Moi, ça correspond à une période où j'en pouvais plus. Et bah, moi, justement, j'étais pas client du tout. Et par contre, les chansons d'Aladin, je suis ton meilleur ami. Non. Alors, pas du tout. Quand le génie chante. Je me rappelle plus. Je l'ai vu une fois, j'ai trouvé que c'était suffisant. Et donc, pour la petite histoire, faut savoir qu'il y a eu un Aladin 2, 3. Et même une série de dessins animés, et qui sont sortis les suites directement en DTV. Ouais, ils faisaient ça souvent. Et honnêtement, le 2 s'appelle Le Retour de Jafar, et c'était très bien. Le 3, par contre, c'était complètement dispensable. C'était Jafar repart. Donc voilà, donc je suis très déçu parce que je pensais que tu me suivrais sur le dossier Aladdin. Ah ouais, je suis désolé, j'aimerais bien faire des efforts. Mais... Bah écoute, à ton tour du coup, qu'est-ce que tu nous as sélectionné pour le coup ? Alors moi j'ai sélectionné un dessin animé qui n'est pas un film sorti au cinéma, donc qui est vraiment dans la rubrique télévision. Tiens, prends ça dans ta tête avec ton Aladdin. Puisque je vais vous parler finalement du dessin animé qui me faisait encore regarder des dessins animés. Alors que dans les années 90, finalement, j'avais un petit peu autre chose à faire. C'est bien sûr Batman. Alors oui, effectivement, ça a été repris de la musique des films de Tim Burton. Je reconnais que c'est... Ça... Bah tu sais, on en avait fait une émission. Oui, vous en aviez parlé dans une... Mes chroniqueurs m'ont bien vendu le truc. Il faudrait que je lui donne sa chance, parce que comme je l'avais dit, moi je suis passé complètement à côté de ce dessin animé. Honnêtement, je suis sûr qu'on fera un sondage aujourd'hui auprès de nos auditeurs chéris. Batman, je suis persuadé que c'est ce qui sortirait en tête de... Ah, et c'est justifié ou pas ? Ah bah carrément. Déjà, toi qui es fan de comics, tout ça... C'est absolument génial, parce que l'identité visuelle, elle est terrible. Notamment, alors, inspiré des films de Tim Burton, hein, pour l'aspect de la ville, la représentation architecturale. D'accord. On retrouve pas mal de choses là-dedans. Mais on a un dessin animé qui est très péchu, avec pas mal de bagarres. Le Joker, c'est Mark Hamill qui fait le doublage. En et VO, il est excellent. Et même en français, même c'est Pierre. Alors, j'en sais rien, je ne l'ai pas c'est noté. C'est la voix du Doc dans oui, Retour vers le futur. Ouais. Ben, c'est Pierre Attet. Mais la VF est très, très bonne également. Donc, pas de problème avec ça. Il y a eu un film qui est sorti qui était Batman contre le fantôme masqué. Ah, je l'ai vu. Bah, pour moi, c'est le meilleur Batman qui a jamais été fait. Hein. D'accord. J'adore ce dessin animé. Ça se passe de mémoire entre la série canonique Et la pseudo-suite, ouais, je alors, crois. J'irai pas jusque-là, parce que Batman, il a une grande chance, y compris dans les comics, c'est que les repères temporels, ils s'en tapent un peu. Ah, oui, oui. On peut changer les choses un hier, peu on suivant 1929, ce qu'on raconte. En 1929 et aujourd'hui en... Bah, c'est un peu ça, il y a des histoires de Batman Ninja, Batman contre Predator. J'ai vu Batman Ninja, c'est compliqué. C'est marrant parce qu'à la fin, ça fait Power Ranger. Ouais. Par contre, j'ai validé, mais pas pour les bonnes raisons. Par contre, j'ai kiffé, je le voulais en jouer, hein, tu vois. En tout cas, voilà, ce dessin animé, pour moi, il est très, très réussi. Il garde un côté sombre. Ouais. Et ça, c'était chouette. Je me souviens, tu sais, quand on avait présenté l'émission, il y avait une scène où un personnage qui était sorti, je crois que c'était l'homme de glaise ou un truc comme ça. Et il paraît qu'il y avait des épisodes qui étaient assez cultes avec ce personnage. Je me souviens plus comment il s'appelle. Il est cool, c'est Clay, je crois. Ah bah voilà. Mais j'espère que je dis pas de conneries dessus. Parce que c'est pas mon méchant préféré dans Batman. Mais... tu fais bien de mettre le doigt dessus, parce que le dessin animé livrait ce qu'on attend d'une adaptation de super-héros, puisque les méchants étaient là. Et il y a un sacré panel avec Batman. Ils étaient salauds. C'est surtout qu'ils étaient tous là, quoi. Tu sais, des fois, tu es déçu dans les adaptations parce que tu attends les méchants canoniques des comics et ils n'y sont pas. Là, tout le monde est là. Il y a des personnages canoniques qui ont été créés dans ce dessin animé, tu crois ? Alors, bah oui. Il y a Harley Quinn. Ouais. C'est quand même ce qui est quand même pas rien, qui a vécu sa vie après, hein, sa vie de jeune fille à Gotham, libérée comme ça. Délivrée. Évidemment. Évidemment, c'est dans la veine d'Aladin, comme chanson qui reste bien dans la tête. Alors voilà, en tout cas, moi, je pense que quand j'ai regardé Batman, qui a commencé en 1992, j'avais 19 ans, quoi. Donc, c'est pas forcément un moment où tu regardes les dessins animés. Ouais. Et pourtant, j'étais au rendez-vous, je crois que c'était le dimanche sur France 3, ouais. Je ne sais pas comment ça s'appelait encore. Et franchement, je m'appliquais à les suivre. Et je voudrais faire une petite mention spéciale, Mikado, si tu me permets. Vas-y, fais-toi plaisir, je suis chez toi. J'ai un peu hésité avec un autre dessin animé que je sais être moins culte, mais qui m'avait tapé dans l'œil. Bah, c'est Bob l'éponge. Moi, je trouve ça déjanté. Bob, attends, c'est quoi la chanson ? C'est... L'éponge carrée. Des fois, je chante ça avec mes... Et tu valides. Moi, j'aime beaucoup Bob l'éponge. Prêts, les enfants ? Oui, capitaine ! J'ai pas entendu ! Oui, capitaine ! Oh ! Qui vit dans un ananas dans la mer ? L'éponge carrée ! Qui compte bien y faire carrière ? Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler Bob l'éponge carrée. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons. Bob l'éponge carrée, Bob l'éponge carrée, Bob l'éponge carrée, Bob l'éponge carrée. Bob l'éponge carrée. Wow. Même pas un petit Simpson ou... Ouais, j'ai hésité, mais c'est... South Park et tout. Alors, South Park, j'ai beaucoup hésité, mais c'est toute fin des années 90. Oh, ouais. Est-ce que je prends South Park ? Évidemment, c'est plus dans... J'allais dire, dans mon créneau. Ouais, il y a des gros mots, il y a des trucs vulgaires, violents, abusés, drôles, il y a tout ce que j'aime bien. Ça parle souvent rondelles un peu, quand même. Hein. Aussi, de trucs, ouais, pas hyper relevés. Et pour revenir sur Batman... C'est une série, un dessin animé que tu as revu ou pas Ouais, j'en ai revu un peu. Tu as proposé ça à tes enfants ou pas, par curiosité Non, pas vraiment. Je me suis beaucoup tâté à acheter l'édition qui est sortie, qui reprend l'intégrale des dessins animés. Je crois que tu n'as pas la vraie VF. Alors, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et puis, surtout, je n'avais pas forcément les fonds pour tout acheter. Parce qu'il est assez onéreux, je crois. Voilà, puis il faut faire des choix à un moment donné. Et je préfère acheter des vieux slasheurs italiens. Parce que à l'époque, tu sais, quand on avait préparé l'émission, je m'étais un peu documenté. Et je crois qu'il y a eu une très, très belle ressortie, des trucs remasterisés et tout. C'est ça. Je me suis vraiment tâté, parce que... Je me demande même si ce n'était pas passé en 16-9. Je te dis peut-être une ânerie, Je les ai pas reproposés aux enfants, mais c'est quelque chose qui est rediffusé régulièrement, donc je sais qu'ils connaissent. Et ce qui est bien avec ce Batman aussi, c'est que c'était le premier dessin animé de la vague des dessins animés DC qui sont de très bonne qualité, oui. Y compris avec des personnages que j'aime pas trop. La série Superman, et toi qui es un peu dans l'univers graphique, il y a un style comme ça, c'est comme un peu de la BD style Tintin, c'est de la ligne claire un peu ou pas du... Enfin... Ouais, on peut pas... Non, je sais pas si on peut vraiment dire ça. C'est quand même assez classique. Parce que le style, il est extraordinaire. Mais il est extraordinaire. Il vieillira jamais. Ben, en fait, ils ont trouvé le bon compromis, c'est de ne pas chercher à faire du réalisme. Oui. Les personnages sont réellement stylés, mais gardent tous une cohérence avec notamment cette logique de mâchoire très carrée, ouais, et avancée. Mais ça match. Qu'on peut voir, mais ça fonctionne. Ouais. Et puis la bagnole, elle est... Elle est terrible. Ah ouais, ouais. Ok, donc bah, très bon choix. Moi, franchement, faut vraiment que je m'y penche parce que ça revient très régulièrement depuis qu'on a basculé à Décennies. Ce Batman, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, ça a été le premier numéro officiel de sous l'ère Décennies. Ouais. Donc, faut vraiment que je m'y penche. Donc, on va basculer bah, au Cinoche. Pas du tout. Pas du tout à la télé. C'est la série télé. On va basculer. Vas-y, bah, tiens, lance-moi. Ouais, la série télé, voilà, je rattrape un petit peu comme ça aux branches pour revenir sur le sujet, puisque là, nous allons aborder maintenant notre série télé culte. Alors, toi, Mikado, je crois qu'il y a eu bataille interne. Oui, je me suis bagarré avec moi-même parce que je vais être franc avec toi. Moi, j'ai loupé beaucoup, beaucoup de choses. Je sais qu'il y a eu, tu sais, les Buffy, les trucs comme ça, les Friends, tout ça. Je suis passé complètement à travers parce que peut-être comme toi, moi, je regardais vraiment pas du tout la télé. Moi, ça fait depuis les années 90 que je regarde plus du tout, quoi. Bon, est-ce que je rate des choses ou pas ? Ça, c'est un débat. Et j'ai hésité parce que je suis là, je fais les pieds et les mains pour en parler chez Décennies. Bah, Code Quantum, moi, c'est une série qui compte pour moi. Ouais, bravo. Bah oui, voilà. Mais je vais pas te parler de ça, parce que comme d'habitude, je fais l'escroc. J'ai envie de te parler de Charmed. Et on s'écoute, évidemment, le générique. Il est cool, le générique. Alors, Charme, pour moi, déjà, avant de développer, c'est une série que j'aimais bien. Pourquoi ? Parce que c'est... Parce que t'étais un peu amoureux, ouais. Alors, oui et non, parce que... Oui, bah oui, c'est tout à fait ça, parce que c'est la première série que j'ai regardée avec Mikadette. Donc oui, j'étais fou amoureux d'Alissa. Alors, série de 178 épisodes. Produite par un certain Aaron Spelling. Alors Aaron Spelling, comme ça, c'est Starsky et Hutch, c'est Drôle de Dame, c'est La Croisière s'amuse, ou plus récemment Beverly Hills, est diffusé d'octobre 98 à mai 2006, et en France de février 1999, donc je suis dans les clous, ça passe. Jusqu'à novembre 2006 sur M6 dans le cadre de la trilogie du samedi. Tu l'as le générique ou pas ? Ouais, et on se le met ou pas ? Alors le pitch, donc l'histoire de Charmed commence avec les trois sœurs Halliwell. Donc on a Prue, qui est la sœur aînée, qui est incarnée par Shannon Doherty. On a Piper, c'est qui est Holly Marie Combe. Et enfin, on termine par la jeune sœur de Phoebe, qui est incarnée par Alyssa Milano. Et là, tout de suite, point commando. À la fois point commando et point Madame est servie. Oui, mais point commando, parce que c'est contractuel, on est obligé. Et elle a bien grandi quand même. Elle a grandi quand même. Hein. Et dans Charmed, elle joue bien. Hein. Ah ouais. Elle joue bien de ses Charmed. Donc, les trois sœurs sont réunies 6 mois après la mort de leur grand-mère, revenant habiter dans le manoir familial à San Francisco. Tranquille. On n'est pas dans les quartiers lugubres et tout, on est bien. Tu te rappelles dans une maison, c'était un peu en pente et tout, là. La Benjamin, donc Phoebe, découvre un vieux livre, le livre des ombres. Oh. Tu sais qui est dans le grenier, là. T'as regardé ou pas un petit peu, Rune? Ouais, un petit peu. T'as le moyen. En pointillé, j'aimais assez bien la trilogie du samedi. Donc, j'aimais bien picorer un peu ce qu'il y avait. Donc, en lisant une formule extraite du livre, elle donne involontairement le point de départ à la réalisation d'une ancienne prophétie. Donc, après une série d'événements étranges et extrêmement pénibles qui commencent à leur arriver, les sœurs s'interrogent et finalement se rendent compte qu'elles sont des sorcières. Et voilà. Alors, donc, les trois sœurs, on a Prue. Donc, c'est l'aînée la plus protectrice et la plus puissante des trois sœurs. Tu te souviens du pouvoir qu'elle avait ? Non. Elle avait le pouvoir de télékinésie. Ah, c'est balèze, ça. Elle développe par la suite le pouvoir de projection astrale et qui lui permet de projeter son esprit dans un corps solide. Un peu les deux. Alors que son corps tombe dans le sommeil jusqu'au retour de son esprit. Alors t'imagines qu'il y aura une série d'épisodes. Ah, ouais, gna, qu'est-ce qui pas se passe à mon corps? Ah mon dieu, il faut protéger mon corps. Donc on a Piper, donc c'est la cadette et accessoirement la médiatrice, hein, qui reçoit le pouvoir d'arrêter le temps et de figer les personnes. Bah, c'est bien plus fort comme pouvoir. C'est quand même la classe, quoi. Bah. Quand tu te prends une petite engueulade par madame. Hop, tu mets le. Ah, c'est quand même tu pratique. Tu tances la Xbox, t'es bien. Non, puis quand t'es en retard pour aller au boulot. T'es... Ça va, ah ouais. Moi, au choix, pour l'instant, c'est ce que je retiens comme pouvoir. Moi aussi, clairement. Et enfin, Phoebe. Phoebe. Phoebe. Qui est la Benjamin. Qui reçoit le pouvoir de rien du tout. Non. Le pouvoir de prémonition. Tu te souviens ou pas? Ouais, un peu. Je crois quand elle touchait des trucs. Désolé. Phoebe. Qui lui permet de voir l'avenir. Son Phoebe, pouvoir quand se déclenche. Touches là, et ben, je devine ce qui va se passer. Son pouvoir se déclenche lorsqu'elle touche des objets. Tous des gens. Ou bien simplement en étant dans une pièce lorsque celle-ci est forte en ondes psychiques. Bref, l'un des thèmes récurrents de la série est la bataille livrée par les sœurs pour réussir à mener une vie normale. Un peu comme Cat Size en fait. C'est mieux Cat Size quand même. Il y a trois sœurs aussi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, tout en remplissant leurs responsabilités en tant que sorcières. Le fait de devoir garder secret leur véritable identité vis-à-vis du monde extérieur est parfois un véritable fardeau qui crée des tensions dans leur vie professionnelle. Parce que je crois que la sœur aînée, il me semble qu'elle était agent immobilier, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Je sais pas. Donc, dans les personnages qui gravitent un peu autour de la série, je sais pas si tu te souviens, on a Léo. Léo, c'est un être de lumière qui est envoyé par les fondateurs. Tu sais, c'est les sages qui veillent à l'équilibre du monde magique par l'intermédiaire de ces fameux êtres de lumière. Êtres de lumière. Je peux plus pleurer. Restez là. Se demande. T'es en train de... c'est pas possible. À chaque fois, t'es obligé de me défoncer mes rubriques. Pas quoi. Du tout. Je fais une animation sonore. Et si tu te souviens, cet être de lumière tombera amoureux de la seconde sœur de Piper. Et ça causera problème. La plus jeune. Non, la celle du milieu. On aura Cole Turner. En fait, Cole Turner, tu sais, c'est Julian McAmmon. C'est un acteur qu'on reverra dans Nip Tuck. Tu te souviens ou pas? Bah, je me souviens de Nip Tuck. Eh ben, c'est un des deux. Je t'ai aidé, là. Alors, Cole Turner, il est mi-démon, mi-humain. Ah. Et il est sous sa forme démoniaque. Il est connu pour être sous le nom de Balthazar. Balthazar figure parmi l'un des plus puissants adversaires des sœurs Halliwell. Il est le bras droit de la source, tu vois. Ouais, mais à l'époque, ça faisait son petit effet. Hein, Alyssa Milano, tout ça, ça faisait son petit effet, quoi. Là, il faut savoir que il y aura une petite histoire d'amour entre Phoebe et Balthazar. Enfin, Cole. Donc voilà. Mais moi, c'est pas qu'en fait c'est Balthazar. C'est ça? À un moment, elle le sait quand même. Tu vois, si elle a le pouvoir de prémonition, sinon elle est vraiment nulle. Quoi. Ah bah là, ouais, mais tu sais, au début, il est en mode infiltration, donc il s'immisce un peu dans la vie de Phoebe. Et malheureusement, Alyssa Milano oblige, il tombe amoureux d'elle. Et du coup, il doute dans sa foi en tant que démon. Et il fait le choix de... Devenir un gentil. Ouais, mais il meurt quand même, saison 4. Voilà. Ça lui apprendra à être gentil. Voilà. Donc, gros affect, c'est une série qu'on a dévorée avec Madame à l'époque. Je pense qu'elle aimait bien Cole, ouais. Parce qu'elle trouvait qu'il jouait bien. Moi, je trouvais qu'Alyssa a joué très bien. Bien joué, ça passe. Là, je te cache pas que tu ne m'as pas étonné. Je vais être franc avec toi, c'est une série que je n'ai jamais vue. De quoi vas-tu nous parler, Rhône? 1990, souvenez-vous. Si je vous dis David Lynch... Associé à Frost, et qu'est-ce qu'ils nous ont pondu ? Twin Peaks ! cette musique. Bah oui. Mm. Mais c'est déjà, ça te mettait tout de suite dans le bain. Alors pourquoi j'ai pris Twin Peaks? Je dois dire qu'il y a eu bataille avec X-Files. On a eu deux séries dans les années 90 qui ont pour moi changé un peu les choses. Parce que ça sonne vraiment VHS et canapé, je trouve. Bah, carrément. Et c'est celle-ci que j'ai retenue parce que Twin Peaks, finalement, c'était la série qui pouvait me faire refuser une soirée parce qu'il y avait un épisode qui était diffusé. Il y a combien d'épisodes, tu te souviens? Il y a deux saisons qui doivent faire. Alors, j'ai le coffret, là, mais il sert pour monter mon micro. Il est sous le pied de mon micro. Donc, en effet, oui, je l'ai sous les yeux. Il est là. Il est beau. Donc, il doit y avoir à tout péter 40 épisodes, un truc comme ça. Mais c'était diffusé sur la 5. Et, oui, oulala, c'est période voilà. Berlusconi. Et voilà tout, aussi quoi. Pourquoi je voulais, parce que les années 90, moi, c'est aussi la 5. Ah oui, oh là là. Et là, il y avait cette série. Donc, je regardais l'épisode le soir et c'était rediffusé, genre le dimanche soir très tard ou un truc comme ça, le même épisode. Et je le revoyais. Après le film de M6, non? Je le revoyais après Culture Pub, rien à voir. Ah d'accord. Non, je vois pas, désolé. Et je le regardais une deuxième fois, tellement ça me captivait. Je me suis offert la série en VHS, elle faisait donc à peu près la longueur de mon appartement, parce que ça prend de la place, les VHS. Ah, t'avais genre deux épisodes par cassette. C'est ça. Mais le coffret était très beau. Ouais, bah oui. Et je l'ai racheté en Blu-ray il y a peu. Et c'est une série qu'on regarde avec les enfants et actuellement. Le Blu-ray, il est propre. Ah, il est très bien. C'est très, tu très peux bien. Nous pitcher quand même un petit peu? Oui, oh, parce que je me disais que tout le monde connaissait. Mais moi, je ne connais pas du tout, j'ai honte. Alors, hein. C'est une série qui... Ça s'appelle Deadly Premonition, c'est sorti sur Xbox. Ah, c'est pas faux, Deadly Premonition va vraiment piocher chez Twin Peaks. Alors, tout part de la question qu'on se pose, qui était sur toutes les lèvres aux États-Unis, mais qui a tué Laura Palmer? Ah oui. Laura Palmer, c'est la fille un peu de cette petite ville qui est dans les montagnes, je ne sais pas trop où elle se situe, mais au milieu de forêts de sapins. Et c'est un petit peu la star de l'école, c'est-à-dire que c'est la reine du bal de promo, c'est la plus jolie fille, c'est la plus gentille, elle est adorable. Elle avait tout pour elle. Elle a tout pour elle et on a retrouvé son cadavre. Zut. C'est pas le truc qu'on voit dans le générique? Si, exactement. Oui, oui, oui. Exactement. Et là, on va dépêcher sur place un agent du FBI, Dale Cooper, Kai McLachlan. Il est charismatique, ce mec. J'adore ce mec. Il jouait dans Desperito's Wife, je crois. Exactement, oui, mais enfin, oui. Il a joué surtout dans plein de films de Lynch. Hein. Bah oui, oui, bah oui. C'est parce que c'est un peu son alter ego. Il n'a pas joué dans Hidden? Oui. Oui. Tu sais ça, toi? Bah oui. Eh oui. Un très bon, très bonne série B de Jack Scholder. Comme on vous l'a dit, je suis vraiment en face de Rhône. Il a fait une tête, genre toi, le François Pignon du podcast. Vous êtes bien chez François Pignon, mais il est absent pour l'instant. Eh oui, j'ai vu Hidden à l'époque, 1988, Grand Prix d'Avoriaz. Bah oui. Et j'ai pas de notes, regarde. Ah oui, je suis impressionné, là. Bah voilà. Tu vois, t'es presque mûr pour venir chez VHS. Sur Bad Taste et tous les films de Peter Jackson, tu m'invites. Ouais, ok, pas de problème. Je vois que t'es pas mauvais. Et donc, il arrive sur place, et comme ses yeux du David Lynch, eh bien évidemment, tout va être très bizarre, très cryptique. C'est plutôt quelque chose qui reste très décalé, très onirique, très étrange, très David Lynch, en fait. Mm-hmm. Et ce qui est chouette, c'est que parfois, David Lynch, il peut se laisser aller à faire des choses qui partent tellement loin qu'on a un petit peu de mal à les capter, à comprendre un film narratif. En série, on pouvait se demander ce que ça allait donner. Là, l'équilibre est très bien trouvé, puisqu'on a une trame qui avance réellement. On a des enjeux qu'on comprend sans pour autant abandonner cette ambiance si étrange. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, des gamins de 17 ans, ce qui est pas loin d'être l'âge que j'avais, enfants, c'est même ouais. L'âge que j'avais ah, quand oui. Je l'ai vu, quand ça a été diffusé, ils accrochent tout autant. D'accord. Ce qui a été ça a une, pas pris une de bonne surprise. Si. Si, ah, si. Au niveau si, si. Quoi déjà le 4 tiers peut-être. Oui, non c'est ça. Alors au niveau visuel déjà, le début fait un petit peu drôle hein, parce que ça fait série. Au niveau aussi du rythme de certains épisodes, il y a besoin de trouver un petit peu un rythme de croisière. Donc ça a un petit peu vieilli, mais passé 2-3 épisodes, on se laisse embarquer et là par contre, après, hop, on est parti. Mm. Et il y a eu bien sûr la saison 3 qui est sortie il y a 2 ans, je crois. Et en fait, c'est une suite directe, c'est quoi? Alors, c'est une suite directe sur laquelle on pourrait débattre très longtemps. Moi, je pense... C'est un what if, non? Non, non, non. Ça se passe plus longtemps après. Moi, je n'ai pas réussi à aller au bout. Ah mince! Il me reste 3 épisodes. Je ne suis pas loin de penser que David Lynch a trollé sa série. En faisant ça. Voilà. Mais tout en livrant des en livrant parce que une, pardonne-moi une... c'est t'as vu je me pose vraiment en novice parce que je connais vraiment pas parce qu'il y a eu un film je crois. Oui, il y a un film qui est un peu la préquelle de la série, qui est un très bon film. D'accord, donc idéalement, si tu veux te faire l'univers, tu regardes le film. Non, tu regardes la série, puis le film. D'accord, et j'imagine que tu restes sur ta fin avec Lynch sur la fin de la série première. Alors, pas tellement. À la fin de la saison 1, il y a une vraie fin. À la fin de la saison 2, il y a une fin ouverte, mais aussi pas mal de portes qui sont fermées. Donc, on peut regarder les deux premières saisons. La troisième, c'est juste du 100% Lynch, qui est plus devenu un artiste plus qu'un cinéaste, donc qui a des visions, etc. Donc, vulgairement, tu t'ennuies. Ben, il y a des trucs que j'ai trouvé beaux, parce que j'aime bien Lynch, mais il y a des moments où je me suis dit, tiens, là, il est en train de se foutre de notre gueule quand même. Ah, mince. Donc, il cabotine. Ouais, c'est... Ah. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire. Grosse reco, Twin Peaks. Bah, Twin Peaks, oui, et je... La musique, c'est tellement particulier que ça peut toujours être regardé aujourd'hui. Le film est compris dans le coffret Blu-ray. Hein, qui est, et au niveau musique, t'as le nom du compo, John déjà Badalamenti. Et c'est pas un truc que t'évoques souvent dans tes émissions ? J'en ai déjà passé dans oui, une ça émission me parle. De scoring. Les musiques sont magnifiques. David Lynch travaille beaucoup avec la musique directement sur le plateau ou déjà en oreille. Ah ouais. Donc, sur Twin Peaks, c'est une tonalité qui est très, très jazzy. Dans le film, elle est aussi fantastique. La musique du film Twin Peaks, c'est une merveille. Du c'est film. Une BO. L'OST, oui, elle est, ça elle t'aurais déchire. Pu la retenir. Elle déchire, l'OST. D'accord, j'écouterai. Ouais. Vraiment très, très intéressante. Donc oui, la musique participe beaucoup. C'est sûr que dès qu'on entend les petites notes, là, même moi, voilà. Je connais. Sans... Bah, tu vois, le Welcome to Twin Peaks fonctionne très, très bien. Quoi. Il est très connu. Voilà, donc en termes de série culte, je pense que bien Twin Peaks, hein, ça se pose là. Mm-hmm. Charmed, c'est fun. Hein, c'est fun. C'est fun. Ah, c'est fun. Moi, j'ai grosse tendresse pour Charmed. Phoebe. I am the sun, I'm the air. Non. Oh, allez, tu regardais comme moi. Non, allez, hop, j'éteins la télé. J'éteins la télé parce que maintenant, on va aller au cinéma. Dans les années 90, on a eu une ribambelle. Alors là, quand Mikado m'a dit... un film, ça a été un peu un cauchemar. Donc, Time Cop, donc film de 1994. Donc tu veux encore faire Time Cop ou est-ce que tu as autre chose ? Alors ça a été très très très dur. En plus j'en ai parlé chez toi quand on s'est vu au château. Je te cache pas que le vrai film de cœur, bah, c'est Un jour sans fin. Mais je vais pas te parler de ça parce que je vais faire l'escroc comme d'habitude. Bande annonce. Sancho de Cuba, j'ai le Sancho pour la rumba. En joie des maracas, je fais tchik tchik tchik et boum tchik tchik et boum. C'est moi Sancho le cubain, la coqueluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tchik tchik et boum tchik tchik et boum. Les señoritas, elles chantent, elles dansent comme ça, elles balancent comme c'est charmant, plein de piment. La fièvre de la rumba, si elle te prend, ne résiste pas. Comme une fille qui s'offre à toi. Je suis Sancho le Cubain. La chic chicky boom, chic chicky boom, chic chicky boom. Pardon. Bien évidemment, vous aurez reconnu The Mask, le masque au Québec. Un film réalisé par Chuck Russell, sorti en 1994. Alors, évidemment, le film s'inspire d'une série comics publiée par Dark Horse, qui, je crois, est un ton bien plus dark. Je ne sais pas si tu connais. Que, je ne connais pas le comics. Mais chez Dark Horse, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un peu plus, plus costaud. Stanley Ipkiss est un banal employé de banque. Il voue une passion absolue aux cartoons de Tex Avery. Un soir, il trouve un masque ancien doté de pouvoirs surnaturels, révélant et exagérant la personnalité de son possesseur. Chaque fois qu'il le porte, il devient The Mask. Personnage loufoque, sûr de lui et plein de ressources qui défraient la chronique. Il espère que ce masque lui permettra de vaincre sa timidité maladive et de conquérir le cœur de la chanteuse de cabaret Tina Carlyle. Cependant, Tina est la conjointe de Dorian Tyrell, un mafieux qui tente de mettre la main sur le masque. De plus, il est poursuivi par un policier astucieux, le lieutenant Calloway, qui a deviné que Stanley est l'auteur d'un vol audacieux. Alors, ce film, je l'ai vu au ciné, j'ai adoré. C'est un film que je regarde très régulièrement, que évidemment, tu te doutes bien, j'ai déjà revu en famille. J'ai une grosse tendresse pour ce film. Pourquoi ? Parce que, bah déjà, c'est drôle. Les effets spéciaux à l'époque, ils étaient dingos. Mmh. Aujourd'hui, ils ont pris un petit coup d'œil, mais ça reste honnête. Je pense que c'est sur ce film-là que j'ai découvert Jim Carrey comme beaucoup, qui est à lui seul un effet spécial. Ouais, c'est une attraction. C'est un effet spécial, ce monsieur. Que te dire d'autre ? Les chansons. Enfin, voilà. Le doublage français par Emmanuel Curtis, qui est d'une grande qualité. Le fameux Splendid ! On a déjà eu l'occasion d'en parler dans différentes émissions. Mais les dessins animés de Tex Avery, pour moi, c'est ce qui a fait tout ce qu'on va évoquer, peut-être même dans les autres BD, notamment en bande dessinée, tu vois, tout ce qui est cartoon, en cartoon, pour moi, c'est ce que je préfère. Tu vois, quand ils avaient refait le monde de Tex Avery, là, pour moi, ils ont violé mon enfance. Tex Avery, c'est des codes. Et ce dessin animé s'en inspire, joue avec. Tu vois, le lapsus, ce film s'en inspire et il n'y a rien à acheter. À part le Masque 2, qui est vraiment à foutre au feu. Je ne sais pas si tu as vu... Ouais, il ne faut pas y penser. Il n'existe pas. C'est un autre film, de toute façon. Non, mais ça n'existe pas. Il faut savoir, tu sais, dedans, il y a Cameron Diaz, qui joue bien aussi. Mais Phoebe... Est-ce qu'elle joue aussi bien que Phoebe? Vraiment une saucisse, sérieux. Et c'est son premier rôle au cinéma. Pour les petites anecdotes autour du film, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Tu sais, le garage où Stanley va chercher sa voiture en réparation, tu sais, où le pot finit dans le popotin du garagiste qui a essayé de l'enfler, sans mauvais jeu de mots. Et ben en fait, c'est rien d'autre que l'ancienne caserne de pompiers servant de QG aux membres de SOS Fantôme. Ah ouais. Dans le film, évidemment, du même nom. Le film comporte de nombreuses références au cartoon de Tex Avery. Évidemment, le comportement de Stanley, tu sais, à la boîte de jazz, le Concon Bongo. Ouais, c'est le loup, là. Qui rappelle bien évidemment le loup dans les cabarets des Tex Avery. Les dessins qui se matérialisent, les gros maillets. Il tourne sur lui-même, tu sais, à une très grande vitesse, qui n'est pas sans rappeler le Taz des Looney Tunes. Quant à Milo, tu sais, le toutou, qui est un Jack Russell. Un truc que j'ai découvert en préparant l'émission, c'est que quand il met, tu sais, à un moment, il met le masque pour sauver son maître, et il rit. Et ça m'a toujours fait penser à quelque chose, mais j'ai jamais réussi à mettre un mot avant aujourd'hui. Christophe Lambert. la boîte à rire. Et ben pas du tout, il rit comme Diabolo, le chien de la série Satanas et Diabolo. Exactement. J'avais jamais fait le rapprochement. Alors... ce qui m'avait fait sourire, c'est que je me suis amusé à relever, tu sais, quand le masque et pas Stanley donne rendez-vous à la jeune danseuse de cabaret, tu sais, dans un parc, il la joue à la parisienne, et il se fait arrêter par la police, et tu sais, il se fait retirer mille et un trucs de ses poches, et je les ai relevés, ces trucs-là. Donc, ils sortent à tour une pompe à vélo, une petite carpe, une quille, une tapette à souris, un poulet au caoutchouc, un drôle de truc et une photo de Madame Calloway. Et je me rappelle de la photo. Une photo de Madame Calloway en petite tenue ou je ne sais plus quoi. Enfin, voilà. Que te dire d'autre ? Franchement, c'est indémodable. C'est un de mes films doudou, tu sais, des années 90, que je regarde régulièrement. Le Blu-ray est plutôt de qualité. Je crois que de mémoire, tu sais, moi, je suis très curieux de tout ce qui est making-of. Et ils étaient assez pauvres, donc je crois que sur Internet, tu peux trouver des choses. Mais honnêtement, ok, la technologie a évolué depuis, mais le jeu de Jim Carrey fait qu'à lui tout seul, c'est un spectacle. Ouais, il n'aura pas retrouvé toujours la même chose dans tous les films. Il y en a plusieurs avec Jim Carrey que j'aime vraiment bien. J'aime beaucoup Disjoncté, notamment. Oui, qui est mésestimé. Que je trouve... Cable Guy en VO. Vraiment, ouais, The Cable Guy, qui est très très bon. Et Chuck Russell, voilà, qui a ensuite pu faire L'Effaceur. Oh, avec Schwarzenegger. Ce qui est très bien. Qui est ce qu'il est. Mais surtout, voilà, c'est ça que je voulais vérifier, Chuck Russell qui avait fait le Blob avant. Donc comment est-ce qu'il a été mis sur The Mask ? Ça semble assez étonnant. Il y a des connexions. Non, mais ses deux premiers films en tant que réal, c'était Freddy 3. C'est pour ça que ça t'a tilté quand j'ai dit non. C'est Freddy 3, ensuite il a fait le Blob et après il est parti sur quelque chose. Alors The Mask qui est très réussi, puis après il est parti sur Tu valides The Mask. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. C'est un T'imagines film qui la m'avait déception vraiment beaucoup plu. Il me semble d'ailleurs que, je ne sais plus si c'est sur tes ondes, que vous aviez demandé à vos auditeurs, à vos bourrinos, quel est selon vous tu sais, les suites vraiment à bannir ou quoi. C'était chez toi ou pas? Je Alors, me souviens on l'a plus. Fait, on a fait un truc Et sur The Mask 2 au-dessus de la liste. Ouais, c'est vraiment très très mauvais. C'est incroyable que cette... c'est pu sortir. Je comprends pas. Quel gâchis en plus. Bah ouais, fallait pas faire et puis voilà quoi. Enfin bon, voilà, donc The Mask, c'est un grand oui. La série animée était pas dégueu. Moi, j'avais regardé un petit peu en diagonale ce qui se faisait à l'époque parce que l'univers The Mask m'avait vraiment emballé. Il y avait un jeu vidéo sur Super Nintendo qui était assez quelconque. Ouais. Et les comics, c'est complètement différent. C'est bien plus dark, tu l'as dit. Il n'est pas gentil. Il est moins Tex Avery que dans les films. Bah, c'est la logique TMNT, hein, où le comics peut être bien différent. Ah, de, c'est bien de, plus du trash. Hein, voilà. TMNT, c'est trash. Hein. Ah, bah voilà. Bah, tu vois. Enfin, à l'origine, ça l'était. Mais ouais, franchement, pour clôturer The Mask, quoi. Enfin, moi, je l'ai vu au ciné, mais je m'étais pris une claque. J'aimerais bien le revoir, tu sais, dans un festival ou, tu vois, au ciné. Je pense qu'il y a bien moyen de. Enfin, et puis la chanson, quoi. Enfin. Ah ouais, elle est trop bien. L'OST, elle est enfin la chorégraphie quand elle dit je suis sa Paquita, tu sais, quand la policière, je sais pas si tu as l'image, elle a le pistolet prêt à le braquer, puis d'un coup, je sais pas, ils font des trucs comme ça. Bon, évidemment, vous avez pas lavé l'image, les auditeurs, mais tu sais, ça part en Corée, quoi, ouais, en chorégraphie. Ta ta ta ta ta. Cette scène, elle est. Enfin, je sais pas. Elle reste. Il y a rien incroyablement à jeter. Non, mais très bon choix, très bon choix. Alors. Ton film culte, Rhône, je t'attendais au tournant sur cette rubrique, parce que VHS et canapé oblige. Ouais. De quoi vas-tu nous parler? Ça a été dur, hein. Ouais. Un film sur une décennie. Non, mais. Ah, c'est compliqué. T'as eu Jurassic Park, t'as eu tellement de gros trucs. Ça, c'est validé par Creeper, ça, Jurassic Park. Oui, mais par moi aussi. Enfin, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des tas de très, très gros films. Alors, la façon dont j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, j'ai plutôt cherché un film qui représente d'abord plutôt la première moitié des 90s, que je préfère au cinéma à la deuxième, parce qu'on gardait une certaine influence du côté fun des années 80. Oui, jusque-là, je suis d'accord. Alors, je voulais garder d'abord cette partie-là, et je me suis dit, qu'est-ce qui représente bien cette époque en termes de clinquant, avec des acteurs qui sont emblématiques, avec du fun, avec des punchlines sans arrêt? Eh bien... Demolition Man, bien sûr! Du producteur qui vous a donné Piège de cristal et L'arme fatale. À la fin d'un siècle ravagé par la violence, une société d'ordre parfait verra le jour. Les criminels seront congelés et reprogrammés dans des prisons cryogéniques. Toute agression ou tout comportement déviant sera éliminé. C'est un criminel comme vous n'en avez jamais vu. Il n'y a pas si longtemps, c'était le pire des tueurs. Je vais m'éclater, je vais tout bousiller. Mais en l'an 2032... Ce matin, Simon Phoenix s'est échappé de son enceinte cryogénique et nous ne sommes pas en mesure de faire face à cette situation. Au cœur d'un monde de paix et de calme... Comment a-t-on fini par arrêter ce monstre de Simon Phoenix au XXe siècle? Il aura suffi d'un seul homme, John Spartan, Demolition Man. La condition de votre libération et votre réintégration au sein du SAPD avec pour mission immédiate la capture de Simon Phoenix. Deux ennemis mortels, venus d'un autre temps, vont s'affronter dans un futur qui n'est pas assez vaste pour eux deux. Je rêve de te tuer depuis 40 ans. Alors rêve toujours. Cette panoplie de comportements barbares était inacceptable même à votre époque. Oui, mais ça marchait. Si tu veux vraiment m'arrêter, faudra que tu m'ouvres les tripes pour m'arracher le cœur. Ouais. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man. Alors moi, je vais être franc avec toi, tu me fais ultra plaisir. Ah. Parce que sur le dossier Demolition Man, je suis souvent seul. Est-ce que tu peux un peu développer? Je ne sais pas comment on peut être seul avec Demolition j'adore Man. J'adore ce film. Il y a beaucoup de moments cultes hein, quand même. Hein. Demolition Man, à la base, c'est une histoire qui est d'une rare stupidité. Il n'y a rien qui tient dans ce film. Ah, je l'en blurais tout. On est, moi aussi. Je l'avais en DVD et je l'avais en VHS. Ah oui. Jusqu'à ce que la VHS meure. Ouais. Moi, je l'ai même vu en laserdisc. Oh, la classe. Avec un copain à l'époque. À l'époque, c'était quelque chose. Hein. Je commençais par le cinéma. Sur, ouais. Écoute bien, sur les Sony Trinitron d'époque. Oh, la classe. Le 80 cm, tu sais, le haut de gamme. Oh, bah, alors, bravo. On l'a vu, je ne sais pas combien de fois. Ah, le ouais, fallait le rentabiliser, le Laserdisc. Hein. C'est un de mes films préférés avec mon frère. Hein. On l'a regardé un nombre de fois. Alors, ça raconte l'histoire donc, du Demolition Man, Sylvester Stallone. John Spartan, qui se bastonne avec Simon Félix. Qui est tout de même Wesley Snipes. C'est pas une tête d'affiche mais... so 90s, mais quoi. Mais tellement, c'est pour ça que je prends ça. Ouais, je valide. Franchement, tu me fais plaisir. Donc, ça commence par une baston, tout pète, etc. Et par un effet de manche à peu près incompréhensible, les deux se retrouvent en prison. Parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, en plus. Oui, parce qu'on l'accuse, on lui dit oui, que... Oui, parce que c'est à cause de lui qu'il est mort, donc ils sont condamnés. Enfin, t'as les enquêteurs les plus médiocres de l'univers, quand même. Hein. Mais bref. Et là... Le gars, il a 20 ans de service, il n'a pas rien. C'est ça. Bon. Alors, et la punition à cette époque-là, alors elle est assez étonnante, c'est on va te congeler pendant un temps donné. Ouais. Et il a pris 40 ans, je crois, oui, Spartan. Hein. Et quand tu ressors de la congélation, on est censé te reprogrammer pour que tu deviennes mieux quelqu'un d'autre. Mieux que ça, ils le font pendant la congélation. Oui, c'est ça. Tu dois je crois sortir. Que le Spartan, il me semble que du coup, il kiffe vient la couture. Il devient une couturière. Ouais. Bon. Après, le tricot, il kiffe. C'est pas mal aussi, la couture. Bien entendu, qu'est-ce qui se passe un certain nombre d'années plus tard ? Eh bien, il y a un truc qui merde dans la prison. Simon Phoenix ressort, mais alors lui, il n'est pas du tout reprogrammé. Ah non, il est surprogrammé. Il est là pour botter des culs à tire-larigot, alors que... Il a même des nouvelles capacités. Il a même des nouvelles capacités, il connaît le kung-fu, etc. Il a beaucoup d'humour, hein, aussi, il faut bien le dire. C'est quoi ça Simon a dit ah oui. Meurt. Et il commence à mettre des dégâts pas possibles, d'autant plus qu'on est dans un néo-Los Angeles où la violence n'existe plus du tout parce qu'on est dans une espèce de société totalitaire où finalement on peut à peu près plus rien faire et où donc il n'y a pas eu de mort, de crime depuis 25 ans. Mmh. Donc là, on ne sait plus quoi faire, mais seulement attention, Simon Phoenix est un criminel comme on n'en a plus. Il nous faut un policier comme on n'en a plus. John Spartan. Et là, on décide de décongeler Stallone pour avoir un deuxième mec prêt à se bastonner dans tous les sens. Stallone qui va bien sûr dire des gros mots, ce kick. Vous avez une amende pour infraction au code de moralité du langage. Et il y a tellement de choses drôles dans cet univers complètement pété. Avec ma scène préférée où les deux sont en train de se battre et recherchent les flingues du futur au musée. Et ils finissent par tomber sur un flingue que Simon Phoenix prend. Il envoie un méga tir dans John Spartan. Bien sûr, Stallone l'évite. Et là, il y a un petit moment où ils s'arrêtent tous les deux juste pour dire « Oh putain, oui. T'as vu ce flingue ?» Oui, genre deux gosses. Quoi. Ouais, deux genres de gosses. Voilà, j'adore ce film. Alors qu'aurait pu être très, très différent, hein, parce que le rôle de John Spartan, vous le savez sans doute tous, mais a d'abord été proposé à Steven Seagal. Ça ne l'aurait pas ça fait. Ça autre chose. Moi, je valide tellement. C'est un de mes préférés de Stallone. Hein. Ah, mais moi, je dis j'adore, donc c'est pas pour rien. Ça a été proposé à Jean-Claude aussi, à notre ami Jean-Claude. Ah, il a fait Time Cop. Ah oui, il ne peut pas tout faire. Et quand Stallone a été embauché, là, Stallone lui avait proposé Jackie Chan pour faire le méchant. Wow. Et Jackie Chan a dit, non, je ne joue pas les méchants. Moi, je suis un gentil. Donc... Et ça match. Ah oh ben ça match et ça match feu tellement. Alors en plus j'adore Wesley Snipes. Moi aussi. Qui a loupé sa carrière, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Parce que c'est vraiment un Les Blades ils sont bons. Hein. Ouais, Blade 1 et 2 sont je crois qu'il y en a surtout le 2. 3, non ? Oui, mais il faut le 2. On arrête là. Ouais, d'accord. Et aussi autre petit truc intéressant, c'est que ça a été réalisé par Marco Brambilla, c'était son premier film. Ouais. Ce type avant, il faisait des pubs et après, il a fait à peu près rien. Ah mince. Voilà, il a fait quelques films qui sont sans grand intérêt et il est surtout passé à la photo, il a fait des expos photos un petit peu partout mais pourtant il était top quoi, ouais. Une espèce d'utopie, tu sais. Il y a beaucoup de scènes cultes, hein. déjà il y a Sandra Bullock. Je trouve qu'elle joue comme une patate mais comme d'habitude, mais c'est pas grave. Un peu, donc c'est pas grave. Je suis pas un gros fan de Sandra Bullock. C'est comme Andy McDowell, c'est pas grave. non mais en fait ce qui est bon, on en parlait un tout petit peu en préparant l'émission, ce qui fait pour moi un bon film, c'est ces scènes. Mmh. C'est ces scènes marquantes. Il y en a beaucoup dans ce truc-là. Il y en a beaucoup. Hein. Tu as le rat burger, tu te souviens ? Quand le mec, le il dit, oh, le Pizza Hut. Ils font des pubs, ils chantent les publicités à la radio, c'est plus des publicités. Ils se retrouvent comme des cons à chanter. L'espèce de... Ketchup, Armor. les trois coquillages. Ah ouais. Et pour moi, c'est culte. Pourquoi ? Parce que c'est un truc pareil qu'on évoque régulièrement. C'est que c'est jamais expliqué. Et t'as des tas, et t'as des tas de. Ce que j'adore dans ce film, il y a des hypothèses sur internet. C'est que t'as aussi des sur un film aussi con, parce qu'il est con quand même. Ah oui. Voilà. Mais il y a aussi des punchlines qui sortent de nulle part que j'adore. J'adore notamment quand le méchant est en train de décongeler des tas de criminels et il en voit passer un et il fait j'espère que j'avais pas un cul comme ça. Voilà. C'est drôle. C'est sorti de rien. C'est sorti de rien, c'est complètement absurde. Non, moi je valide. La façon de mener l'enquête, elle est tellement drôle. Bah, on n'a qu'à attendre le prochain mort. Quelle bonne idée! Aussi, l'espèce de très vieux flic qui a connu Spartan. Ouais. Alors que c'était un tout jeune flic, il dit lui. Enfin, je sais plus ce qu'il sort comme connerie, tu sais. Lui, attention, lui, c'est John Spartan, c'est le Spartan, tu vois. Lui, c'est John Spartan. Ouais, il est très sympa. Bah, c'était le pilote d'hélico qui a vieilli et qui le retrouve. Putain, t'étais un sacré bon pilote, ils n'ont jamais dû t'empêcher de voler. Vous avez une amende pour infraction au code de moralité du langage. Le côté aussi, quand il ne veut pas utiliser les trois coquillages, il fait tout un tas d'amendes pour avoir du papier. Oui, c'est excellent. C'est bon. Non, je valide. Ah. Franchement, tu fais plaisir parce que c'est un film qui est peut-être boudé dans la carrière de Stallone, que j'aime beaucoup. En tout cas, bien mieux ou que ma mère va tirer. Arrête ou ma mère va tirer. Alors, il n'est pas boudé chez VHS et Canapé. Hein. Ah. On adore Demolition Man. Vous en avez déjà parlé ou pas? Alors, de temps à autre, on en glisse un petit peu. J'ai passé un morceau dans Scoring. La BO n'est pas incroyable. Ouais. Voilà. Elle n'est pas incroyable, mais j'aime bien la musique quand Simon se bat. C'est un petit peu une espèce de scratch. Je trouve ça assez drôle. Et puis la tenue de Simon, je sais pas, m'avait marqué une espèce de peroxydé blond avec une salopette. Mais 90s, mais à mort. Carrément. Tu sais, avec les Caterpillar et tout. Là. Enfin, je sais pas, j'ai cette image, ça se trouve, elle est erronée, mais... Non, mais c'est à ça qui ressemble. Enfin, voilà, moi, je le conseille. Hein. Est-ce que ça a vieilli? Oui. Oui. Mais... Est-ce que ça reste fun? Ah oui. Oui. Est-ce que tu le regardes avec des potes, avec des bières et tout. Même tout seul, je le regarde. Même tout seul, puisque moi, je te dis, j'ai eu la VHS, je me suis racheté le DVD, je me suis racheté le Blu-ray. Je crois qu'il est sur Netflix, au risque de dire une âme. Comme je l'ai en physique, je me pose pas la question. Aussi, Le Blu-ray de qualité, entre parenthèses. Oui, il tient tout à fait le seul truc qui m'avait interpellé, c'est que, tu sais, Stallone, il a sa voix française. Et là, c'est Richard Darbois qui le double. Attention, c'est le génie, c'est Buzz l'éclair, tu sais, dans Toy Story. Ça va, c'est un des meilleurs au monde. Ça marche sur Stallone, mais c'est pas la voix française, tu vois. Donc, c'est le seul petit hic. Bah, tiens, je vais te garder, parce qu'on va basculer toujours dans le cinoche, dans les BO de films. Je te cache pas que tu m'as fait hyper plaisir, parce que c'est un film que j'avais vu à l'époque. Une BO, je vais être franc avec toi, tu le sais, je suis pas hyper fan de, entre guillemets, de hip-hop, au sens large du thème. Bah, alors, cette BO, on s'écoute tout de suite un extrait. Yo, it's born born, young lord, raise your swords. It's born born, young lord, raise your swords. It's born born, young lord, raise your swords. It's born born, young lord, raise your swords. Hurling from the slums of Shaolin, golden claw talent twirling, one swirl of the fatal sword split your island. Ruth killer bees, stingers back on the swarm again. The alarm again, shakes direction, weapon deflecting, blows connect like opposite sides of magnets. Still fragments being chipped off with slinging sword slash, with the force of being crashed in your dashboard. With no airbag, you drove a 99 Jaguar. Quick to pick a lot, lick a shot, respect the bloods and crips a lot. Plus the guard from Watt sagging in the seat, blasting moon beats. Trying to plot his next hit, he took a drag off the eight elements that compose atmospheric gas. About to let off his sword in full blast. Alors, si vous n'avez pas reconnu, l'extrait que Rhône vient de proposer, c'est Ghost Dog, un film de 1999. Que j'avais vu à l'époque, que j'avais trouvé vachement bien. Mais oui, qu'il est avec bien, une BO, mais qu'elle est bonne. Alors que bon, je suis pas hyper friand du genre, quoi. Mais elle est excellentissime. Alors, tu peux nous pitcher un peu le truc ou veux parler BO? Je vais surtout parler BO parce qu'on vient de parler film. Alors, juste en deux mots, hein, Ghost Dog, c'est l'histoire d'une espèce d'un gars qui se prend pour un samouraï moderne au service d'un gangster et qui élève des pigeons, et c'est Forest Whitaker, et c'est le rôle de sa vie qu'il a rencontré peut-être un peu trop tôt dans sa carrière, parce qu'il aura eu du mal ensuite à se remettre au même niveau, quoi. C'est vrai. Film avec une ambiance assez folle. Tu le conseilles en 2020 On l'a regardé il n'y a pas longtemps avec les enfants, Ghost Dog, et ça a très bien passé. En Blu-ray? Oui, tout à fait. De qualité du coup ou pas? Oui, ça tout à fait. Okay. Ça tient très bien. Mais c'est surtout sur la BO que je vais m'arrêter, parce que je trouve qu'elle est dingue, cette BO. Donc ça date de 1999, je ne sais pas si j'avais donné la date. Mm-hmm. C'était la première BO faite par RZA du Wu-Tang Clan. Donc voilà. Même moi je connais. Hein, DJ, producteur, rappeur de Wu-Tang Clan, mais aussi de Grave Digaz, qui a été un groupe assez éphémère, mais l'album est très très bon. Et RZA, c'était, je trouve que c'était un petit peu culotté de faire une BO quand on est un producteur de musique hip-hop. Est-ce que ça peut vraiment passer sur la longueur? Comment il allait s'en sortir? Moi, c'était une vraie interrogation. Et en fait, il s'avère que sa musique, elle colore carrément le film, elle le rythme. C'est assez remarquable dans le film. Il y a pas mal d'interludes. Film, crois, oui, elle crée des pauses comme ça. Ouais, des respirations, non ? Ouais, c'est ça. On va avoir des musiques qui sont finalement très épurées. Mais si on écoute la BO, bah, il s'avère que ça va glisser tout seul. En fait, on va se faire les, je ne sais plus combien il fait, 45 minutes, peut-être un peu moins, ou une quarantaine de minutes. En attendant, ça passe tout seul. Et il y a un truc qu'il a fait que j'adore, et là j'ai envie de dire bravo, c'est qu'on va avoir tout le long du film et tout le long de l'OST, des espèces de couches. On va avoir des espèces de couches de mélodies. Et il s'avère que quand on aura le générique de fin, le morceau qui clôture l'OST, ça va reprendre ce qu'on a entendu dans l'OST en super posant plusieurs couches qu'on a déjà entendues pour recréer un morceau complet, le morceau de rap qu'ils font là. Le morceau qui clôture le film, c'est It's for God, my Lord, raise your sword. Là, si t'écoutes, tu verras que sur ce morceau, tu vas reconnaître ce que t'as entendu pendant l'OST qui a été décomposé et qui a été utilisé en tant que tel pour illustrer, mais qui fonctionne tout seul. C'est fou. Je trouve que c'est d'une intelligence qui est absolument remarquable. Alors, sur cette BO, il y a vraiment plein de pistes que j'adore. Je crois que celle que je préfère, paradoxalement, c'est peut-être la plus calme, avec juste des petits coups de bambou. Là, fait tout, tout, tout, tout, tout, tout. Et pour toi, cette BO, tu sais, c'est un truc que je pose souvent comme question. Elle se suffit à elle-même ou elle est intrinsèquement liée au film? Non, pour moi, elle se suffit à elle-même. Mais elle fonctionne aussi dans le film? Dans le film, c'est pas qu'elle fonctionne, c'est que sans la BO, le film n'est pas du tout le même. Ah, en revanche, la BO seule, elle est bonne. La BO seule passe tout à fait. Donc c'est vraiment un travail formidable qu'a fait RZA avec cette BO. Voilà, moi, je l'adore, je la conseille très, très, très fortement. Alors voilà, donc ça, c'était la mienne. Toi, Mikado, de quel film tu vas nous parler? Oh bah là, un truc un peu original, je pense que ça va nous faire du bien. Pas fait original, mais c'est la BO pour moi des 90s. Je l'avais acheté en CD à la sortie. Je l'ai racheté en vinyle. Bien évidemment, on s'écoute la BO de Pulp Fiction. Jungle Boogie, Jungle Boogie, get down, get down. Alors, Fiction pulpeuse au Québec est un film de gangster américain écrit et réalisé par un certain Quentin Tarantino en 1994, utilisant la technique de la narration non linéaire que j'ai découvert sur ce film. Ça surprend quand t'es pas habitué. Hein. C'était en plus finalement assez peu utilisé, ou en tout cas sur un gros film comme ça qui l'exploite à ce point, parce que ça va loin. Alors, il entremêle plusieurs histoires ayant pour protagoniste des membres de la pègre de Los Angeles et se distingue par ses dialogues stylisés, son mélange de violence et d'humour et ses nombreuses références à la culture populaire. Alors la distrib, elle est folle, parce qu'on a John Travolta qui est pour moi dans le rôle de sa vie, parce que je trouve que Travolta, je suis pas client. Par contre, dans ce film-là, t'as vu, il y a des mèmes qui tournent tellement que t'es à partir du moment où tu deviens un mème, c'est que ça le fait bien. On a Samuel Jackson, Bruce Willis et bien évidemment Uma Thurman. Alors il est recomposé. Et Christopher Walken. Ah oui, qui fait le nettoyeur. Cette montre. Non, c'est pas le nettoyeur. C'est le militaire, lui. Cette montre, il l'a mis dans son cul. Exact. Ah, mais le casting, il est. Le nettoyeur, c'est Harvey Keitel. Ah, je confonds. Je les confonds tous. Ah oui, bah oui, Christopher Walken. Oh, okay. Oh, non, mais c'est un casting de dingo. Et le boss, là aussi, il est terrible, ce c'est gars. C'est Marcellus, là. Marcellus, comment il s'appelle ? Ah, son nom va m'échapper. Bref. Récompensé quand même par la Palme d'Or, hein, 1984, assez controversé à l'époque, et Oscar du meilleur scénario original. L'OST, c'est pas une des BO des 90s, sincèrement. Si, carrément. Pas un morceau des 90s. Non, justement, aucune musique originale n'est composée pour le film, Quentin Tarantino préférant utiliser à la place un assortiment de morceaux de pop, de soul, de surf musique et de rock'n'roll. Enfin, je t'avoue que je ne connaissais pas, hein, ouais, il y a peu. Hein. Bon. Le réalisateur explique son choix d'introduire de la surf musique dans la bande originale en disant qu'elle ressemble à du rock'n'roll de Western Spaghetti. C'est un peu vrai. C'est pas fou. C'est un peu vrai. Ouais. L'album sort en septembre 1994 et a atteint la 21e place du classement Billboard. La musique du film a également remporté le prix de la meilleure bande originale au Brit Award en 1995, ce qui est mérité. Quoi. Clairement. Pourquoi j'ai retenu ce titre ? Parce que Kool & The Gang... On connaît, nous, le Kool & The Gang des années 80. Tu sais, j'aime bien en parler. Ouais. Share is below, yeah. Ou alors, celebrate. Tu sais, la pub pour Mars, là. Good times. Mais moi, je vais être franc avec toi, j'ai connu le Kool & The Gang d'avant ça. Ouais. Grâce à la BO de Pulp Fiction. Mais qui a fait découvrir beaucoup de choses à beaucoup de gens. Oui, ça m'a donné envie de creuser, tu vois. C'est ça. Et le Kool & The Gang période, entre guillemets, Jungle Boogie, c'est ouf. C'est incroyable. C'est deux groupes distincts pour moi. Et il y a un truc sur cette BO, là où c'est fort, j'espère que je ne vais pas te couper l'herbe sous le pied, c'est que finalement, c'est une compile. Hein. Oui. Mais la force du truc, c'est que toute compile qu'elle est, elle ressort comme un album complet. Exactement. C'est incroyable. Bah déjà, tu as les interludes. Parler, t'as l'intro qui pour moi est indissociable de la musique, tu sais, le dialogue d'intro, peux pas le passer, tu sais, tu peux le passer sur le CD, moi je le laisse. Quand t'as Travolta qui a un dialogue avec Jackson sur le Royal Cheese, tu sais, en France, bah je le laisse. Ouais. Enfin, Tarantino, faut être honnête, il a le chic pour choisir ses musiques. Hein. Enfin, il est bien entouré. C'est un de ses grands talents quand même, mais je crois qu'il s'y connaît aussi largement. Hein. Ouais. C'est une approche qui est complexe aussi de faire une BO uniquement avec des chansons. C'est pas forcément la facilité. On peut facilement se gaufrer quand on fait. C'est pas un score, hein, c'est vraiment une bande originale. Il y en a d'autres qui font ça. Je pensais à dans Laissez bronzer les cadavres, par exemple, le film de Cate et Forzetti. Putain, je me trompe toujours sur son nom, j'espère que je vais pas me gourer. De Sacco et Vanzetti. qui prennent cette approche d'aller chercher des musiques qui peuvent paraître obscures, mais pour créer quelque chose. Une unité complète sur le film, ça demande un sacré boulot, c'est pas du tout évident à faire. Donc voilà, moi j'aime aussi beaucoup cet album, je l'ai beaucoup écouté. Bon, validé. Validé, absolument. Ok, on a fait notre petit tour, on va dire, cinoche des années 90 au sens large. On va parler un peu des ouvrages. Donc, ton livre de chevet, livre de chevet des années 90. C'est la minute apostrophe. C'est ça, donc bonsoir, ici Bernard Pivot. Là aussi, c'est pas facile parce que je lisais beaucoup à ce moment-là et pas forcément des trucs dans la lecture. Je sais même pas trop à quel époque c'était. Bah oui, c'est là où... Ta question n'était pas évidente. J'ai peut-être grugé. Alors, j'ai pensé finalement, à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu un événement ou une sortie de bouquin qui a fait que je me suis dit, tiens, celui-là, j'ai envie de le lire à sa sortie. Exactement comme ça que j'ai choisi. Et c'est ce qui m'a amené à parler de La Ligne Verte, le livre de Stephen King qui est sorti en 96, parce qu'il avait fait un truc qui était assez dingue, c'est qu'il l'avait sorti en épisodique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'était d'abord sorti sur, en plusieurs épisodes, en épisode comme un serial. Oh, donc le bouquin La Ligne Verte, mais j'ai trouvé ça génial. Et ça donnait un truc super, c'est que en fait, tu y allais tous les mois, ou je ne sais plus, c'était toutes les semaines, je ne me rappelle plus, mais... Tu ne pouvais pas tout avoir d'un coup. Mm-hmm. Donc, tu allais chercher ton truc comme quand tu regardes une série télé ou que tu as un épisode. Tu dévorais l'histoire et tu devais attendre. C'était combien de pages ? Ouais, une cinquantaine de pages, peut-être, non ? À quelque chose comme il ça. Il n'est pas hyper épais, je crois, le quelque chose final, comme hein. Ça, parce que si je ne me gourre pas, il devait y avoir 5 livrets. Ouais. Un truc comme ça, 5 ou 6 livrets. Enfin, j'ai la version coffret, là. Je n'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça, qu'il y en avait 5. Donc, oui, ça doit être bien, peut-être entre 50 et 70 pages à chaque fois. Mais il y avait cet aspect série qui était assez passionnant. Parce que, en plus, l'histoire, moi, j'aime beaucoup ce livre en valeur absolue, qui raconte l'histoire d'un simple d'esprit qu'on accuse d'avoir tué une enfant et qui attend dans le couloir de la mort. Mais naturellement, ce n'est pas lui. Et par-dessus le marché, il a plutôt des pouvoirs très bienveillants et surnaturels. C'est un géant, je crois. C'est un géant. Il est absolument immense. Il est très, très fort. Ça a donné une adaptation au ciné qui est très bonne, d'ailleurs. Ah, ouais. Avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks, ouais, qui est très bon. Enfin, le film est très, très chouette. Mais au niveau bouquin, ce que j'ai retenu, c'est surtout ce côté épisodique que j'ai trouvé assez génial, cette façon de lire. Et c'était une vraie volonté de Stephen King qui l'expliquait dans sa note d'intention au départ. Et un peu un retour aux sources de cette époque où il y avait des livres qui étaient publiés dans des revues comme Fiction, comme dans des choses comme ça, de façon épisodique, où il fallait que tu achètes la revue pour avoir la suite de ton histoire. Ouais, c'est ça, c'est cette logique-là. Et ça a montré en fait que ça fonctionne vraiment bien. Et pourquoi est-ce que je voulais le mettre en avant aussi ? Parce que là, tu m'as demandé de parler des années 90. Et là, avec cet exemple, ça montre une espèce d'antithèse avec ce qu'on a maintenant et une vraie différence. Ça se passe dans les années 50. Ouais, ça se passe dans les années 50. Mais dans le mode de consommation, aujourd'hui, une série, on va la consommer d'un seul coup parce qu'elle est mise en ligne en une fois. C'est une autre approche. J'ai pas de jugement dans ce que je dis d'ailleurs. Ouais, moi non plus, j'ai pas de jugement. Après, c'était sympa quand même d'attendre ton épisode. Et là, ce qu'a voulu faire Stephen King, c'était provoquer ça, provoquer l'attente et donner l'envie à la fin de chaque truc. Mais carrément, ça se vendait dans le métro où tu mettais une pièce dans un format petit bouquin où tu pouvais en récupérer. Du coup, il y avait eu des éditions. Alors, je sais pas si c'était lié à ça seulement ou à une collection, tu pouvais acheter des livres courts que tu achetais dans le métro à ce moment-là et dont La Ligne Verte que j'ai acheté que comme ça, donc probablement à chaque fois mon changement à Nation, j'imagine. Limite dans un distributeur ou... C'est un distributeur. Et voilà, c'est une façon d'aborder la littérature que je trouvais vraiment intéressante. Je trouve que le bouquin est excellent. C'est un de mes Stephen King préférés. Mm-hmm. Une note d'autre que je mets au-dessus, mais là, il y avait cette originalité d'approche qui m'avait beaucoup séduit. T'es pas venu en parler une fois sur nos ondes de King ? J'ai animé, j'étais animateur. Bon, j'ai pas mal parlé quand même, j'ai pas pu me retenir. Oui. Mais vous en aviez parlé de La Ligne Verte ? Je me souviens plus. Je sais plus trop, mais on n'avait pas forcément... C'est les adaptations, donc on parlait pas forcément des livres en tant que tels. Non, mais le film. Oui, sans doute. Oui. Je me rappelle plus, on enregistre trop de trucs. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, ça c'était mon choix sur les années 90. Et toi, Mikadou, qu'est-ce que tu as retenu ? Alors moi, je vais te parler d'un livre de 1985. Bravo. Que j'ai lu par obligation dans les années 90 au collège. Je vais te parler de peut-être mon livre culte, Le Parfum. De Patrick Susskind ou Susskind, j'ai jamais su prononcer l'orthographe. Tu connais ? Oui, je connais et je trouve ça culotté d'avoir fait lire ça au collège. Je trouve ça bien. Ah là là là. Et évidemment, comme tous les collégiens, en cours de français, t'as pas envie de lire ça. Et j'ai dévoré ce livre. Pour te pitcher un petit peu le truc, alors l'action se situe donc au 18e siècle dans un Paris, puis en Auvergne, puis à Montpellier, puis à Grasse et enfin de nouveau à Paris. C'est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille qui commence le 17 juillet 1738. Il naît au cimetière des Innocents, tu sais, c'est le terrain qui fait office de marché. Mmh. Sa mère poissonnière accouche accroupie au milieu des tas de déchets. Ça te parle ou pas tout ça ? Ouais, ça me parle. De la même manière que pour ses quatre autres précédents enfants morts-nés. Mais Jean-Baptiste Grenouille survit et se met à pousser des cris, ce qui attire l'attention des passants et conduit la mère du bébé à la condamnation à mort pour infanticide. C'est une façon de rentrer dans la vie. C'est ça. L'enfant est alors recueilli par une nourrice, mais la nourrice est troublée par cet enfant qui n'a pas d'odeur et le laisse aux soins d'un moine. Le moine est lui aussi troublé par la manière dont Grenouille le sent. Il s'en débarrasse chez Madame Gaillard, qui recueille des enfants pour de l'argent. On dirait un conte de Grimm un peu. C'est clair. Mais les autres enfants rejettent Grenouille en lui faisant subir des sévices physiques et en essayant même de l'étouffer. Alors, à l'âge de 8 ans, il est confié à Grimal, un tanneur brutal, chez qui il devient apprenti. Alors que tous les tanneurs sont incommodés par l'odeur nauséabonde qui se dégage de la fabrique, Jean-Baptiste s'en accommode parfaitement. Il effectue de nombreuses promenades dans Paris et découvre qu'il est doué d'un grand nez fin, qui lui permet de décomposer toutes les odeurs. Au bout d'un certain temps, il connaît toutes les odeurs de Paris. Ce bouquin, je l'ai pris une claque. Je l'ai lu donc par obligation au collège à la demande de la prof de français. Et merci madame, je ne me souviens plus du nom de ma prof. Bisous madame. Voilà, ce qui était extraordinaire à l'époque. L'auteur arrive à nous faire sentir les odeurs et les senteurs à travers ses écrits. Et c'est une prouesse. Sacré gageur. C'est voilà, un livre du cœur pour moi. Honnêtement, j'invite les auditeurs à le lire. Je ne vais pas développer parce que la trame, elle est formidable. Il faut savoir qu'en 2006, il y a un film qui a été adapté, qui était sans égaler. Ah, tu joues, Ron tire un peu la mine. Moi, tu ne m'as pas emballé plus que ça. Moi, je trouvais qu'il s'en sortait plutôt bien, mais le challenge était très difficile. Ouais. Il est honnête. D'ailleurs, chers auditeurs, Ron et moi sommes lyonnais. On vit à Lyon. On vit à Lyon, voilà. On est des pièces rapportées, mais peu importe. Et je ne peux que vous conseiller, si vous êtes passage dans notre capitale des Gaules, de d'abord de nous payer une mousse. Hein. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que ça c'est la première étape. Voilà. Et surtout, d'obligatoirement vous rendre au musée cinéma et miniature. Carrément. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un super musée où pour les fans de ciné, il y a beaucoup de pièces de... Je sais pas, il y a Jurassic Park, il y a Terminator, il y a Robocop, il y a les costumes de V. Il y avait même un Predator, je crois. Non, il y a la reine alien en animatronics. En expo permanente, on a les décors du film qui sont fabuleux. On n'y a jamais été ensemble. Alors, on n'est pas allé ensemble, mais j'y suis allé plus d'une fois. Tu as le décor de l'atelier de Grimaldi, incarné par Dustin Hoffman au cinéma. Tu as la parfumerie. Ouais. Et surtout, tu as la scène du marché aux poissons. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. C'est poète. Et tu as aussi la salle de distillerie. Tu sais, j'ai pas envie d'en parler parce que ça spoil complètement le film. Donc voilà, chers amis, nous on aime les bières à partir d'un certain degré, vous l'aviez compris. C'est un livre qui se lit facilement. Hein. Ouais, alors moi j'avais creusé pour parler un peu de l'auteur. J'avais lu ses autres ouvrages et j'étais pas du tout rentré dedans. Il y en avait un qui s'appelait Le Pigeon. Et c'est un mec qui faisait un blocage sur les pigeons, et bien évidemment, il y en a un qui squattait sur le rebord de sa fenêtre ou quoi. Ça te parle, ça, ou pas ? Non. Et malheureusement, il a fait un truc, mais au-dessus de tout, et c'est difficile de rebondir après une telle œuvre. Bon, bah ok, bah, alors je crois que ça y est, bouquin, c'est fait. Tu valides, hein ? Moi, bah carrément. La bière ou le. je valide carrément. C'est un carrément global. Ouais, même si j'ai grugé, soyons honnêtes. Ah, t'as ouais, grugé, mais merci, madame du collège. De toute façon, j'en attendais pas moins de toi, hein, mais je t'ai déjà vu plus gruger. Voilà. Si on peut dire. Bon, alors, on en a terminé avec la littérature. Ça tombe bien, de toute façon, on avait chacun lu qu'un livre dans les années 90. Je pourrais te parler de Barjavel longtemps, si tu veux. Non, c'est pas inintéressant, Barjavel. Mais bon, ne dévions pas. Non. Ne dévions pas, parce qu'il nous reste encore deux petits items à passer en revue. Et pas des moindres. Dont un qui nous plaît bien, là. Et qui, les deux. Et qui arrive. Oh, les deux, mais bon, je disais un déjà, parce qu'on va commencer par celui-là. Puisqu'on va parler un petit peu BD, notre BD culte. Oh là là là. Et là, ça n'a pas... C'est bagarré, c'est bagarré. Il y a un peu eu bagarre, et j'ai envie, Mikado, que finalement, que tu démarres, parce que tu sais bien que ce dont parler, ça va me parler aussi. Chers amis, alors moi, la BD, c'est un truc qui compte dans ma vie. Je suis 36-15, je raconte ma vie. Moi, c'est ma maman qui m'a initié. Elle travaille dans une grande boîte, et comme toutes les grosses boîtes, à l'époque, il y avait des bibliothèques au lycée. Oui, tout à fait. Et ma mère, elle me ramenait... Tu sais, à l'époque, tu avais même la petite étiquette avec le tampon. Exactement. De quand tu ramenais la date. Mmh. Et j'en ai encore, parce que ma mère, elle en avait jamais ramené. Parce que tu les ramenais pas. Ah bah là, je dois à peu près 4 000 € sur une BD de Torgal, tu vois. Et ma mère, elle aimait bien ça. Indirectement, on laissait entraîner ses bandes dessinées. Eh ben, j'y m'y mis. Et je me souviens, je ne sais pas pourquoi, qu'une des premières BD que j'ai lues à l'époque, c'était Torgal. Ouais. Donc, Heroic Fantasy et tout. Et petit à petit, je me souviens être tombé sur des Gottlieb. Ouais. Et là, j'ai vu la lumière. Je pense que mon amour, Tex Avery, Mas, tout ça, ça vient en fait de Gottlieb. T'es tombé sur Rubrique à Braque. Ouais, les dingos dossiers. Et naturellement, dans les années 90, bien évidemment, j'étais abonné et je les achetais à Fluide Glacial. Ah ouais. Alors, Fluide Glacial, périodique de bande dessinée française humoristique mensuelle dans lequel sont ou ont été publiées plusieurs séries du 9e art. Alors, fondée le 1er avril 1975, t'imagines ? Ouais, c'est pas tout. Moi, j'étais pas né. Bon, toi, un petit peu. De pas loin. Par Gottlieb, Alexis et Jacques Diamant. Gottlieb qui a longtemps fait les éditos. Ah là là, les éditos de Gottlieb, quoi. Enfin, après, j'ai arrêté quand il est parti. Bref. Fluide Glacial tire son nom, tu sais d'où ça vient ? Bah, le Fluide Glacial, c'était pour faire une blague. Ouais, c'est ça. C'est un farce à trappe. Donc, c'est une ampoule de verre qui, une fois brisée, libère un liquide que l'on peut répandre sur un siège pour glacer le postérieur de celui qui s'assit dessus. C'est ça. Moi, je dis classe. Et on en parlait un petit peu en préparant l'émission. C'était la glorieuse époque où c'était open bar. Et encore, Fluide Glacial, c'était de loin le plus sage puisque tu avais les harakiri, les métal hurlant. Ouais, et puis comme sur cette époque-là, tu avais l'écho des savanes qui ouais, était la version un petit peu plus. Moi, j'étais fan aussi. Je te cache pas que j'ai hésité entre ça et retenir Vue de main parce que Vue de main, je valide tellement. Chichou Lamore. Piper, si tu nous écoutes. Bon, enfin voilà. Donc ma culture du 9e art vient de ça. Fulgacial, c'est des noms, c'est des auteurs. On a Franquin, Franquin, qui faisait ses idées noires. On a Morel. Morel, qui ouais. est malheureusement décédé, qui dessinait mais du feu de Dieu et qui se dessinait lui-même. Mm. Des trucs complètement absurdes. Avec... Comme il était québécois, c'est là où j'ai appris des termes. Ma blonde, tu ouais. vois, évidemment Gottlieb, moi qui faisais moins de choses. On a fait de moins en ouais. moins, il dessinait beaucoup à l'époque de pilote, mais après il tremblotait on un a, peu. Bah ouais, on a Coyote avec donc sa moi, série 1. Hein j'aime moins. Ah, j'aime Mammouth, non ouais. Coyote, Mammouth, et évidemment Little King. D'ailleurs, j'ai une dédicace, paix à son âme, parce que malheureusement il est décédé, Coyote. Tronchet. Ah, avec, Tronchet, j'adorais avec Jean-Claude Tronchet. Tergal, le pauvre type par excellence. Riyad Satouf qui a commencé avec Pascal Brutal. Pascal Brutal. Avec Jean, Alain Madelin, président. Et bien évidemment, Edika. Edika. Edika, avec ses personnages cultes, quoi. On a Bronski Proko et son chat Clark Gable. Clark Gable. Moi, ce qui me faisait. Olga. C'était pas, c'était Ol... Si, c'est sa femme, avec, ouais. avec des gros nichons. Et moi, j'adorais les couves quand Edika ouais. les faisait, parce qu'en une page, il arrivait à me faire hurler de c'est rire. C'est ça. Je sais pas, j'ai une planche qui me revient en tête, bien évidemment, avec sa femme, avec des seins monstrueux, qui est rasée. Et le mari, il est bodybuilder à mort, et il dit, quand je vous ai dit, Tonde est ma femme, en fait, c'est difficile à expliquer à la radio, mais... Le gars a compris Tonde ma femme, et en fait, sa femme, elle s'appelle Tonde. Ouais. Et il l'a présentée en disant Tonde est ma femme. C'est absurde. C'est absurde. Tu sais que les albums d'Edika, des histoires que je connaissais pas, en fait, j'allais à la Fnac pour lire ça. Ah, mais... Je lisais à la Fnac, et au milieu des rayons, je me tapais des crises de fou rire. Quoi. T'imagines, toi qui es un peu dans la partie, parce que chers auditeurs, je vais vous le dire, notre ami Ron ici présent. Eh bien, scénariste de bande dessinée, que je vous conseille. D'ailleurs, il a fait les psycho-investigateurs avec ton camarade Benoît Dahan. Honnêtement, je te fais un peu de pub parce que c'est mérité, c'est dingue. Et plus récemment, Benoît a fait... Dans la tête de Sherlock Holmes, qui cartonne et qui est super bien. Toi, tu es consultant, je crois, dessus. Ouais. Tout ça pour dire, déjà, honnêtement, je vous conseille ces BD, c'est extraordinaire. Le succès est mérité, je te l'ai dit, je te l'avais dit. Mm. Et bien évidemment, j'ai envie de t'entendre sur le dossier Fluide Glacial. Ouais, il y avait tellement de choses. Ouais, mais mes petits préférés, c'était Edika aussi, ouais. Qui me faisait hurler de rire. L'enfant sauvage aussi. Ouais, t'avais l'Arsenet, j'aime beaucoup l'Arsenet, je continue de beaucoup aimer l'Arsenet, j'aime beaucoup son dessin, le ton qu'il met, je trouve ça toujours excellent, mais c'est un petit peu fin 90, plutôt 2000. Donc. Ouais, mais on est dans le thème. Et il y avait un truc aussi dans Fuite Glaciale, alors c'est pas de la BD à proprement parler, mais il y avait les marges. Eh oui. Les marges de Fuite Glaciale. Les marges de la double page, je crois, un truc comme ouais, ça, central. C'est ça, c'est qu'au milieu, tu avais des textes avec des conneries divers et variées qui étaient déjà plutôt rigolotes en tant que telles. Il y avait une petite nouvelle aussi. Et tous les artistes, au moment du bouclage, en fait, dans les marges, ils dessinaient des conneries et ils racontaient des conneries. Et c'était souvent à mourir de rire. Moi, c'est la première chose que je regardais. Vous n'avez pas déjà raconté une anecdote sur ouais, ça peut-être. Ou t'en as pas une, je ne sais plus. Mais je sais pas, je vais la refaire parce que moi, bah, je l'adore. C'est le moment, là. Une qui m'a fait rire à hurler, je ne sais pas qui avait sorti cette vanne. Je vous préviens, ça pisse pas loin, mais ça m'a beaucoup fait. C'est un dessin d'un petit marin et c'est écrit à côté « Les aventures de Pampe le Mousse ». Ah oui. Moi, je trouve ça hyper drôle. Voilà. Là, il faudrait te le ressortir, ce truc-là, et te l'imprimer. Quoi, oui, je pense que je pourrais en faire un t-shirt. C'est glacial combien tu... Oh, je ne me rappelle plus, mais « Les aventures de Pampe le Mousse ». Tu avais eu un délire pendant qu'a duré mais des années où je n'ai jamais trop compris ce qu'il voulait dire, mais dans les fluides, il disait « What's con you ?» Ça te dit rien, ça ? Dans les marges ? Ouais, il se pointait du doigt, il fait « Haha, what's con you ?» Oh, ça devait être un private ou un truc comme ça. Oui, c'est clair, mais j'ai... Mais moi, je les achetais, tu sais, bon, malheureusement, actualité oblige, la boutique a fermé, mais je les achetais en occasion chez Boulinier, moi. Mm. Je me souviens, à l'époque, je les payais 10 francs pièce. Ouais. Et ça coûtait 23 ou 25 francs à l'époque. Mm. Enfin, voilà. Après, bon, est-ce que c'est une série que tu suis toujours ou t'as complètement décroché ? Non, j'ai complètement lâché l'affaire. Moi, j'ai eu une grosse période, j'achetais les anciens, parce que pour moi, l'âge d'or... Et de, on va dire, du début de l'aventure jusqu'à fin des années 90. Après, j'ai complètement décroché. Ils ont changé. Bah, Gottlieb a rendu les armes déjà. J'ai tenu un peu avec l'Arsenet. Bon. Ouais. Mais après, en fait, il y avait pas mal de choses que. C'est pas que c'était pas encore, bien. Encore une fois, voilà, c'est ça. Encore une fois, moi, j'ai pas de jugement, mais il y a eu toute une période où j'aimais moins ce qui était dedans. En fait, tout bêtement, c'est que si je finis la revue et que je me suis pas marré pour une revue d'humour, bah, ça finissait par être un problème, quoi. J'aimais bien leurs séries, moi. Ils ont, une j'ai fois, continué ils ont sorti, de les acheter, leurs séries. Ils ont sorti une couve puante. Ils ont sorti un multimédia. Je l'ai t'as encore, un ce numéro truc-là. En or aussi. J'avais racheté le numéro 40 ans, où ils avaient fait une couve. En fait, ils avaient réédité le numéro 1 en supplément. Et la couve, c'était la même couve. Tu sais, c'était un espèce de fakir, mais qui avait pris 40 ans dans la tranche. Ah oui, exact. Enfin, ce qui a forgé, entre guillemets, ce que j'aime en humour, bah, Fluide Glacial, ça en fait partie. Hein. Mais enfin, ouais, Zogotunga, quoi. Donc, validé. Mais tellement. Donc là, on est dans le franco-belge. Là, on va basculer dans le comics. Qu'est-ce que tu as à nous proposer? Ouais, parce qu'avec Fluide Glacial, tu m'as bien coupé l'herbe sous le pied, encore une fois. Ah, c'est ce que tu avais retenu, hein. Moi, j'étais parti sur des... Sur le dossier Edika, non? J'avais Edika ou Gossens, je ne savais pas trop encore, mais j'allais taper là-dedans. Mm. Alors du coup, je suis allé vers un autre type de BD que j'ai énormément lu aussi, que je lis un petit peu moins maintenant, même si je continue d'apprécier dans les comics. Et j'ai retenu la série Daredevil, L'Homme sans peur, ou plutôt le récit complet, comme mais on oui, appelle ça, bien ou la graphique novel. C'est mon super-héros préféré. Ouais. Hein. Mais là, c'était Frank Miller qui s'était mis au scénario. Il l'avait déjà dessiné précédemment dans une excellente période de Daredevil. Et c'est John Romita Jr. qui est au pinceau, qui avait fait un excellent travail sur Spider-Man déjà. J'aime beaucoup ce dessinateur. Et là, dans Daredevil, L'Homme sans peur, c'est ce qu'on a très régulièrement dans les comics. C'est ça y est, on va encore refaire les origines. Ben ouais, mais cette fois, c'était bien. C'est une origin story. Hein. C'est une origin story, mais ils ont un peu dépoussiéré finalement ce qui pouvait paraître un petit peu vieillot, mais tout en gardant complètement l'ADN de Daredevil. Et si vous avez aimé la série Daredevil sur Netflix, elle vient de 7 BD, très précisément. Génialissime, la série. C'est de 7 BD. On retrouve ah ben les oui, postures on en avait de parlé Daredevil. Au château. Ouais, ah oui, on en avait causé. Oui, et tu as validé d'ailleurs, je crois, la série Netflix. Ah ben, carrément. Ouais, je la valide. T'étais totalement. T'étais assez... on verra et c'est validé. D'accord, ça vient de cette BD-là. Ça vient précisément de cette BD qui est sortie en 93. Tu peux nous redonner le nom ? C'est L'Homme sans peur. En fait, c'était la tagline d'origine de Daredevil, The Man Without Fear. Ça a été édité comme ça. Il y a des très chouettes éditions en français aussi. Alors peut-être, je ne sais pas si on les trouve partout maintenant, mais c'est souvent réédité hein, parce qu'elle est très connue. Et celle-ci en particulier aussi parce que le jeune Romita, je trouve qu'il s'est dépassé d'un point de vue dessin. D'un point de vue cadrage et découpage, je trouve ça d'une efficacité, mais redoutable. Bonne mise en page. Ce qu'il a fait, oui. Et il est très à l'aise, John Romita, sur ce type de personnage urbain. Il avait fait Spider-Man, il a aussi travaillé sur du Batman. J'aime bien son dessin. Le découpage est très pointu. C'est quelque chose qui est clairement bien pensé. Et les comics ont longtemps été en avance, moi, sur la BD européenne par rapport au découpage spécifiquement. Mmh. Ensuite, pour moi, enfin là, on est en années 90. Pour moi, c'est un peu le pinacle du comics. Là, je vais me faire des ennemis. Hein, mais on a quelque chose qui s'est beaucoup standardisé d'un point de vue technique, notamment en termes de découpage, qui, moi, finit même un peu par me lasser, je dois dire. Et puis aussi, qui s'est aussi lissé en termes de style graphique. D'accord. Ce qui fait que j'ai un peu perdu la main, je dois dire. Mais je suis sûr qu'il y a des trucs super. Oui, Daredevil 2020, tu connais pas. Alors, j'ai réessayé ponctuellement. Il y a eu des séries Daredevil qui sont sorties après que j'ai bien aimées. En fait, à chaque fois qu'il y a eu il y a des dessinateurs qui ont un vrai style, une vraie patte, ça a pu donner des choses qui étaient intéressantes. Je pensais à un type qui s'appelait Manchek, je crois, ou Manvek. Je sais plus, je vais peut-être dire une connerie. Les amateurs de comics pourront me corriger, mais je pense qu'ils voient de qui je parle, qui avait fait du très bon boulot sur Daredevil aussi. Ça reste une œuvre séminale, si tu veux. J'avais hésité avec des Batman, où il y en a quelques-unes aussi qui sont très connues, mais bon, mon petit chouchou, c'est Daredevil, hein, je vais pas me priver. T'es dans le sujet. Voilà, donc je conseille très très fortement, si on ne le connaît pas, c'est une bonne façon de découvrir le personnage. Et si on a aimé la série Netflix... En particulier la première saison, ça vaut vraiment la peine de lire la BD. Quoi. C'est directement inspiré de ce comics. Ah, puis on va reconnaître, hein, dans la série, on va dire « Ah ouais, le foulard, la tenue, ça vient de là. Les postures, ça vient de là. » Il a une tenue, entre guillemets, ridicule. Hein. Bah, il a un peu la tenue qu'il a, il n'a pas une tenue de super-héros. On est d'accord. Elle arrive tardivement, d'ailleurs. Bah, dans la BD, L'Homme sans peur se termine quand Daredevil devient Daredevil. Ok. Il y a eu tellement de choses en BD. Ouais, mais bon... Mais il y en a. Ah, il faudrait qu'on fasse un truc, peut-être. Je sais pas. Il y a peut-être matière à faire un sujet BD, parce que je te sais, BD file. Moi, j'adore ça. Nous, on a Spade chez nous qui a lui-même un podcast sur les comics. Oui, c'est pour ça qu'il va peut-être me défoncer. Ouais, il va peut-être être content. Et on termine, parce que les auditeurs, vous le savez, et Krone, on aime les jeux vidéo. Et ouais. Ouais, on a tous les défauts de la Terre. Donc, jeux vidéo, oui, oui, on est gamer, ouais. C'est comme ça, on se refera pas. Mikado Twix, années 90, pas facile, il y en a. Oh hein. Là là là. Il y en là, a. Là, là, j'ai eu... En fait, je te cache pas que j'ai changé 3 fois, mais dont une fois il y a 5 minutes. Ah. Parce que... Bon, je dégaine. Si hein. Tu finis avec ce auquel je pense. Il y a tellement de... Alors, comment choisir? Comment choisir? Je vais pas te mentir. Encore hier soir, tu sais, je fais un podcast avec mon comparse Looping qui s'appelle A2 C'est mieux. Tu tances ton promo de temps en temps. C'est sympa. C'est une très bonne émission. Et on se fait la prochaine émission, c'est sur les Final Fight, tu vois, parce qu'on aime ça, tu sais, les jeux. Ça marche bien, un bon jeu d'époque. Il n'y a aucune raison que ce soit mauvais aujourd'hui s'il est bien calibré. Surtout dans le style 2D. Et ça a été dur. Parce que, bah, tu sais, on a déjà fait plein d'émissions ensemble en jeux vidéo, même l'Amstrad, il y a des trucs cultes, mais bon. Dans ma shortlist, je t'autorise à dire jusqu'à le jeu que tu as retenu. Donc, dans la shortlist, moi, j'avais Windjammer. Je me suis demandé si c'était facile à que tu allais placer. Ouais, mais les auditeurs me connaissent. Ils ont dit, ah, Mikado, il va encore faire Windjammer. Il y avait Tetris Battle Gaiden. Est-ce que tu le connais? Ouais, je le connais. Qui m'avait été offert d'ailleurs par la A-Team pour mes 40 ans. J'y ai joué chez toi. Voilà. Il y a un genre que je trouve qui vieillira jamais en jeu vidéo, c'est le puzzle game. Bien sûr. Tetris Battle Gaiden, c'est une variante de Tetris. On avait aussi Bombless, qui est une variante de Tetris avec des petites bombes à aligner. Mais le jeu que j'ai retenu, c'est également un puzzle versus, je sais pas, tout ce que tu veux, c'est Super Puzzle Fighter 2. Tu connais ? Ouais, je connais. Indémodable. Je sais pas. Sans faire 3 heures. C'est un jeu qui joue un peu... Tu te rappelles de Columns un petit peu ? Ouais, je me connais. Ce jeu, c'est l'équivalent d'un jeu dont j'avais parlé dans l'émission qu'on a diffusée sur la Saturne dans Décennies. Avec les toutous, là. J'avais regardé. Voilà, génial. Pour moi, on est dans, la même ordre, dans le même ordre d'idée. C'est, en fait, l'idée, c'est de faire des pièces qui tombent, qui ressemblent un petit peu à Tetris, de les assembler par couleur et finalement, au bout d'un moment, de les casser afin de les envoyer chez ton voisin. Et afin de l'empêcher dans sa construction et de remplir sa jauge et qu'il perde tout simplement. Ça, quoi. C'est le genre de jeu où on se tape. Et c'est, tu dis, ouais, c'est court comme ça à expliquer. Mais en réalité, c'est fun, c'est indémodable, dynamique. C'est dynamique. En plus, dans l'univers Street Fighter, tu dis, ouais, et en fait, c'est génial, ça marche bien. En plus, tu sais, c'est le genre de jeu où au début, tu dis, dans tous les puzzle games, hein, je trouve, où tu dis, ouais, le concept, je l'ai compris tout de suite, mais en fait, plus tu joues, plus tu comprends des stratégies que tu peux mettre en place. Est-ce que ça vaut le coup que je fasse tomber rapidement les pièces, machin? Est-ce que ça vaut le coup de construire? Est-ce que je dégrossis? Et honnêtement, c'est, on va dire, un genre, pour faire simple, que je relance, mais tout le temps. Enfin, c'est pas régulièrement, c'est tout le temps. Tu sais, j'ai le plaisir de régulièrement faire des animations rétro gaming à travers différentes associations, notamment avec le Film Past qui est à Lyon. Bah, c'est des jeux que je propose parce que, je veux dire, tu relances un Bomberman ou un Tetris 2020, bah, enfin, entre guillemets, la formule est la même. C'est peut-être l'enrobage qui change. Ou, mais fondamentalement, on est sur le même gameplay. Je veux dire, quand tu joues à Tetris, t'attends ta pièce de 4. Je veux dire, tu joues à Tetris sur Game Boy ou tu vois, ta pièce de 4. C'est efficace, quoi. Et vraiment, c'est un genre, c'est plus que, on va dire, un jeu pour moi qui a marqué. J'aurais pu gruger en te parlant des Beats and Balls. Je pense qu'on fera ça un jour. Bon, on l'a déjà fait, d'ailleurs, en quelque sorte, quand on avait parlé ensemble de l'arcade, parce que l'arcade égale Beats and Balls, entre autres. Mais le puzzle game, c'est vraiment un genre que j'ai énormément affectionné, on va dire, dans les années 90, parce que pour moi, les années 90, bizarrement, j'associe plus ça, on va dire, à l'ère PlayStation Saturn, plus qu'à la Super Nintendo. Enfin, on va dire la seconde... Enfin, le jeu vidéo des années 90... Est-ce que tu penses à la deuxième partie de Voilà, il y a eu deux grosses périodes. La fin de l'âge d'or de la 2D, on va dire, jusqu'au milieu, et après le début de la 3D. Et le puzzle game, ça tournait encore, certes, sur les consoles d'époque, mais c'est des jeux en 2D. Et du coup, aujourd'hui, ça passe bien. Et qu'on continue de vivre. Hein. Les puzzle bubbles ont continué sur toutes les machines. Ouais, tu joues un puzzle bubble sur PlayStation, d'une version 3 de 1992, par exemple. Bah, il est bien, il passe crème. Tu joues à une version de Super Nintendo encore plus datée, ça marche. Peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué, mais... Fondamentalement, c'est la même chose. Ouais, donc voilà. Donc, on va dire le coup de cœur vraiment 90s, c'est les puzzle games dans l'ensemble. Ça, c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Ouais, ouais. Et toi, tu vas me. Je suis sûr que tu vas me choisir un shmup obscur, Megan Drive ou Sega. J'ai vachement réfléchi. Vas-y, t'as le droit à ta shortlist, hein, parce que j'ai grugé comme un porc. Au départ, ma shortlist, elle était partie pour être bien longue. Je me suis dit, j'étais parti sur de l'arcade au départ. Jeux vidéo, m'a pas dit, donc arcade. Ouais, mais ça m'a. Après, je me suis dit, ouais, mais après tout, on a fait une émission sur l'arcade sur cette chaîne, je vais pas resservir la même soupe. Donc, j'ai passé. Après, je me suis dit, ok, comme toi, j'ai raisonné en me disant, deuxième partie des années 90, PlayStation Saturn. Bon, la PlayStation n'a pas d'intérêt, mais la Saturn, il y avait par contre beaucoup de choses dessus. Mais pareil, on en a déjà parlé, on a fait un podcast dessus. J'ai éliminé. Et puis après, je me suis dit, je vais peut-être plutôt réfléchir en me disant, sur cette période, quel est le jeu qui m'a obsédé ? Le jeu que j'ai fait je ne sais pas combien de fois, le jeu qui m'a fait me lever la nuit pour reprendre une partie en cours parce que je ne pouvais pas dormir sans avancer. Et en fait, finalement, c'est aussi simple que ça. Je crois que mon jeu préféré de tous les temps est dans les années 90. Il est sorti en 93 sur Mega Drive. C'est Shining Force 2. C'est un shoot'em up ? Pas du tout. Ah bon ? Shining Force 2, c'est un tactical RPG. Oh oui, pardon, je confonds complet. Et ça aurait pu être un shmup, hein. On peut dire que j'en ai pratiqué 2-3. Mais Shining Force 2, c'est vraiment le jeu qui devait faire, je sais pas, 20-30 heures, un truc comme ça pour le faire. Ah, mais à l'époque, c'était beaucoup. Mais moi, je l'ai fait, je sais pas combien de fois. J'ai monté tous les personnages, je le connaissais tellement par cœur que je me lançais des propres défis. Je vais prendre que des personnages équestres. Je vais prendre que des personnages qui vont au corps à corps. Je vais prendre... Enfin, pour me complexifier moi-même le jeu, les musiques sont divines. Rien que quand j'en parle, j'entends les musiques dans ma tête là, qui sont en train de résonner. Et il fait partie de ces jeux qui sont sur une base très simple, un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est un système avec un déplacement, une action, hein, c'est pas plus con que ça, qui révèle leur richesse en cours de jeu, quand on apprend à y jouer. Et il m'a tellement obsédé, ce jeu... Que... C'est un Zelda. Ah, pas du tout, c'est vraiment un tactical RPG, c'est au tour par tour. Ah oui, non, rien à voir. C'est pas du tout un jeu d'action. D'accord. Et en fait, il m'a tellement fasciné ce jeu que quand je suis arrivé à Lyon, il y a quelques années de ça, ma première idée c'était d'essayer de trouver une place dans les jeux vidéo comme concepteur et scénariste. Ouais. Et je m'étais fait un book, et j'avais fait un book qui partait sur le style tactical RPG. Un de mes concepts était un tactical RPG. Où j'avais... Tu l'as encore ? Alors, j'ai cherché dans mon PC, mais je crois que c'est dans mon PC qui a cramé. Ah, je suis un peu deg. Mais je peux vous donner le concept. Je partais sur une logique... C'est cadeau, si quelqu'un veut le faire. Sur une logique comme dans Shining Force, avec de très nombreux personnages qu'on contrôlerait seulement avec une jauge de commandement, qui serait une nouvelle jauge. En général, on a magie, on a vie, on a force, etc. Conceptualisé un jeu. Oui. Et j'avais commencé à établir les bases et les réactions d'intelligence artificielle. Ouais. Enfin bref, voilà. Et quand on est arrivé à Lyon, l'industrie du jeu vidéo lyonnaise s'est pété la gueule. Oui, voilà. Et infogrammes et trucs comme donc ça. Donc j'ai un peu tout mis dans ma poche en me disant, je vais aller me faire foutre et puis aller chercher un truc pour manger, par exemple. Ouais. Ça me semble être... Puis pour nourrir madame et peut-être les enfants. C'est un peu ça. Mais bon, voilà, pour dire comme ce jeu m'a marqué, Shining Force 2... Tu l'as poncé. Je l'ai poncé, mais... Je l'ai poncé sur Mega Drive. Quand ma Mega Drive était en panne, je l'ai poncé en émulation. Régulièrement, je réinstalle un émulateur juste pour jouer à Shining Force 2. Je relance des parties régulières. Donc ça veut dire qu'il y a eu un Shining Force 1 ? Il y a eu un Shining Force 1 qui est pas mal, mais qui est loin d'être du même niveau. Et il y a eu des suites ? Oui, Shining Force 3 sur Saturn, on en a parlé dans l'émission consacrée. Et depuis, on a eu d'autres dont j'ai trouvé l'intérêt malheureusement assez déclinant. Je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance assez unique dans Shining Force 2. Est-ce que c'est pas ton jeu Mega Drive ? Ton jeu Sega ? Ah, mais c'est mon jeu préféré. Et si je dois faire un classement mondial de mes jeux depuis que je suis né, Shining Force 2, je pense que c'est le numéro 1. Ah ouais ? Voilà, c'est vraiment un jeu qui m'a obsédé. Mais pourquoi ? Par nostalgie ou... Parce que les mécanismes de gameplay sont ultra efficaces. Tu peux amener 9 personnes sur le terrain de combat, mais sauf que tu n'arrêtes pas de croiser des gens. Ouais, mais je ne suis pas connaisseur, mais ça me paraît énorme. Non, ce n'est pas tant que ça. C'est une formule qui a pu être prise. Mais 9 que tu dois choisir parmi un pool de personnages que tu croises, où tu en as beaucoup plus. S'ils ne viennent pas, ils ne montent pas en niveau. Donc tu dois essayer d'équilibrer tout ça. Tu peux très bien ne jamais croiser des personnages qui ne feront jamais partie de ton équipe, que tu découvriras dans un autre run, une autre partie, une autre fois. Suivant les types d'équipes que tu constitues, les stratégies sont réellement différentes entre les attaques à distance. Tu as une double progression des personnages. Au bout d'un certain nombre de niveaux, ils doivent choisir une classe, donc ça te donne encore des arcs de tactiques différents suivant les options que tu peux prendre. Il y a vraiment énormément de possibilités dans ce jeu. puis c'est nimbé de ces musiques que je trouve fantastiques. Il y a eu des versions orchestrales qui ont été faites qui sont très très bonnes aussi. Et un peu comme tu dis aussi, on est aussi sur un style de jeu qui n'a pas besoin de technique. On est sur du tactical RPG. Donc ça s'est vu du dessus, on se déplace case par case, c'est des cases en surbrillance. Et ce qui est génial avec ce genre de jeu, c'est un peu ce que t'expliquais tout à l'heure, c'est que hey, on s'en fout un peu de l'époque. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ça le cœur du jeu. Le cœur du jeu. Mais là, c'est la nostalgie qui parle, non ? Ben, écoute, je sais pas. C'est un. Est-ce que tu présentes ça à un enfant de 2020 et... Ah bah non, il y a Tactical dedans, donc c'est compliqué. Il va devoir réfléchir et rester assis trop longtemps, donc ça va être compliqué pour lui. Je me sens concerné. Mais hein, jusqu'au moment où t'as Shining Force, wow, shmup, Tactical. Ah. Ouais. Bon. et oui. Bon ben ouais, c'est un choix un peu surprise, mais je crois que je suis pas le seul hein, à partager un certain amour pour ce jeu. Je me rappelle dans Joypad, il y avait un des rédacteurs qui disait régulièrement que c'était son jeu. Il faisait un point. C'était son jeu préféré tous les temps. Ouais. Après le point Commando, le point Bonnie Tyler, le point Time Cop, le point Shining Force. Bah c'est un avis que je partageais quoi. Ouais. Voilà, donc j'ai adoré ce jeu. C'est celui-là que je voulais mettre en lumière, qui est mon jeu vidéo occulte. Tu l'as, je suis sûr que tu l'as déjà passé dans les scoring, dans la beatbox. Oui, je l'ai déjà passé dans la beatbox, pas encore dans scoring, mais j'attends l'opportunité. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un joli tour, c'est cool, hein, t'as vu, petite installation tranquille. Ouais, voilà, c'est tout. Pas mal. On a programmé cette émission il y a à peu près une dizaine d'heures, non enfin, oui, c'est ça. Donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Si on a envie de papoter avec toi, est-ce que t'es présent sur les réseaux sociaux ? Alors oui, je suis encore présent sur Twitter @Ron Kenobi. Donc on peut m'y croiser. Je discute volontiers de cinéma, de jeux vidéo régulièrement. Oui, parce que de bière. De bière, j'ai vu. Oui. Et bien évidemment, on me retrouve chez VHS et Canapé, dans tous les formats qu'on peut avoir, les gros dossiers, les C'est alloués, les émotions et Canapé, les scoring. Oh là là là. C'est multinational. Oh là là, on en fait, mais... Bon, après, pas tout en même temps. Chez Décennies aussi. Alors, chez Décennies, à peu près une émission sur deux. Non, j'exagère, mais... On n'en est pas loin. Hein. Mais on se voit souvent, voit souvent. Ou alors dans les bars lyonnais avec Mikado. Ou... Ça peut se trouver aussi, ouais. Ça peut se trouver. Et toi, Mikado, on peut te retrouver où? Et alors comme d'habitude, sur le compte de Décennies, parce que c'est un peu moi, entre autres, qui tient le compte. Sur mon compte Twitter, tout simplement, Mikado Twix. Puis chez toi. Et chez moi. Voilà. Ou au bar. Au château audioactif. Au château audioactif. Ça fait un peu Manoir Wayne, j'adore. Et puis, des fois, même chez Backlog, peut-être, on leur fait un petit coucou. Oh ouais, hein, aussi. On n'a pas fait un point Backlog, t'as vu? C'est vrai. Donc, on vous embrasse parce qu'on vous invite encore une fois à les écouter parce que c'est vraiment un chouette programme jeux vidéo. Et puis, merci pour cette improvisation d'émission. C'est toujours un plaisir d'échanger. Franchement, t'as vu, ça change hein, que d'être devant son ordi. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'ai envie de te dire à une prochaine. Hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Tu sais que les portes de Décennies te sont ouvertes. Donc, écoute, j'ai envie de te dire à bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, ciao. Merci, ciao. Jamais laissé parler ton cœur. Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit. C'est interdit de croire encore au bonheur. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux, quand dans les cieux, nous partageons ce rêve bleu à nous deux. Nous faisons ce rêve bleu. Je suis montée trop haut, allée trop loin, je ne peux plus retourner. Un rêve bleu sur les Donc elle vient d'où, t'as dit ? Eh bien, Galia, ça vient de la région parisienne. C'est une... Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que Binouze en avait parlé d'une bière Galia. J'avais un peu de mal à en trouver. Et là, paf ! Validée par notre ami Winston hein, sur Twitter. Ah, bah, ça ne m'étonne pas, c'est quelqu'un de goût. Elle est amère quand même. Hein. Amère, mais très fruitée en même temps. C'est une Session IPA. Et c'est quoi, IPA ? C'est le truc qui est à la mode ? C'est déjà passé de mode. Maintenant, on est à la NAPA. Ah, c'est quoi, oui. Hein. Là, c'est encore autre chose. Hein. Là, ça va être encore plus fruité, presque du jus de fruits, pratiquement. Hein, ça vient souvent de la West Coast. En fait, je répète bêtement ce que j'entends chez Binouze. Bienvenue chez Binouze. Bah, c'est un peu ça. Et puis, comme on dit chez eux, Binouze.